un signe. Ouais. Attendez. Radio debout. On est debout. Radio debout. Radio debout. On le change. Radio debout. Ouais. On est tous debout. Radio debout. 74 mars. Bonsoir, soleil sur la place accompagné de la musique à côté de nos voisins. Soirée thématique, soirée fantastique on va avoir. La dissidence, la résistance et la contestation. Alors il faut savoir que dissident vient du latin, dissedere, qui veut dire se séparer de, être assis. Et en fait, là, nous sommes assis, mais on est bien debout dans la tête. Donc, bonsoir Manon. Oui, bonsoir Clémence, bonsoir Radio Debout. Donc, nous sommes assis, mais la radio est debout. Les nuits aussi, debout le jour, mais surtout debout la nuit. Et j'ai un petit mot, je me suis renseignée sur savoir où se situait le mot debout dans le dictionnaire, où il s'insère. Et bien, il s'insère entre, j'ai mon téléphone qui tourne, voilà, il s'insère entre le mot déboussolé, qui veut dire qui n'ayant pas de boussole, perd la tête et ne sait plus où aller. Et débouté dans la langue juridique, rejeté par jugement la demande de quelqu'un ou de quelques-uns. Voilà. Et donc la définition de debout, position verticale sur les pieds, se dit aussi de quelque chose qui est en bon état de marche. Voilà. Bon état de marche. Donc ben là, on marche ce soir. Et qu'est-ce qu'il y a alors sur ce planning ce soir? Sam, tu es aussi avec nous. Oui, bonsoir. Alors... donc alors... ce soir, on a Nico du collectif Mauvaise Troupe pour parler de leur ouvrage Constellation, trajectoire révolutionnaire du jeune 21e siècle. Et donc, ce sera avec Mathias et moi-même. Ensuite, on a Jacques Borteroute de Collectivoa, le collectif jusqu'au retrait. Donc, c'est le Pays Basque. Ah, c'est le Pays Basque, d'accord. Je comprends mieux maintenant. Donc, ça sera avec Alain. Ensuite, on a Mathilde Serel, les combats, nouvelles formes de contestation, avec Sophie. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Statis Kouvelakis. Voilà, on a Enzo qui va venir tout à l'heure avec Raphaël, qui est un historien italien spécialiste de l'immigration. Et puis d'autres surprises, et je te laisse. À 23h, Bobo, une plasticienne urbaine qui écrit aussi des textes, on dit vulgairement de slam, mais voilà, c'est de juste voilà. Des mots, de la poésie, qui viendra lire quelques mots ici au micro. Et puis toujours des gens de la place, toujours des impromptus, toujours des choses qui se déroulent ici la sur cette place. La transmission de l'AG notamment, la qui est ensoleillée ce soir et il y a pas mal de monde. Voilà, Télé Debout est toujours à côté de nous. Nous avons à la technique Véro, Sophie Aude, Seb... Alex qui est pas loin, voilà, il y a tout le monde qui est là, des gens derrière, et on va peut-être laisser la place au plateau qui arrive, Alex. Ouais. On peut commencer un peu par l'AG aussi, ouais, voilà, on pour prendre un peu le allez, on fait un peu d'AG. Être capable de ne pas dépasser les 2 ou les 3 minutes. Parce qu'au fond, alors, ça pourrait être observé que si on dit des choses qui... ne font que radoter des choses déjà dites, c'est pas la peine. Mais je trouve, j'ai entendu en passant ce qui disait Xavier tout à fait, et je trouve que je suis d'accord. Voyez, je pense un truc, s'il y a une chose à éviter, c'est rentrer dans ce jeu malsain, néfaste, qui polarise de stéréotypes, mais vraiment folklore. D'un côté, il y aurait les bons du point de vue des pouvoirs constitués, mais disons aussi considérer peut-être un peu des couillons un peu angélistes par d'autres points de vue, qui seraient là à marcher sur les œufs à faire attention, à ne pas, même pas pousser un cri parce que ça serait violent. Et d'un autre côté, et que donc qui aurait une idéologie vertigineuse des plus que d'éliminer toute violence, ça serait éliminer toute passion, retenir le souffle, je ne sais pas, risquer d'imploser pour pouvoir rester dans le cadre fixé des limites légaux. Or, on ne va pas faire de la pédagogie énième, mais la légalité, c'est évidemment le monopole étatique de la force dite qui s'affirme, qui se prétend comme légitime. Donc, je ne vois pas comment on peut avoir des rêves, des désirs démesurés et penser qu'on puisse un jour voir les voir s'affirmer tout en restant dans un carré comme si c'était encerclé par des barbelés électrifiés et en plus ces maillots se restreignent de plus en plus et nous on finirait pour imploser pour ne pas toucher ses limites. Moi je trouve tout en ayant un énorme respect, je l'ai dit, pour la position rarissime, mais que si elle est cohérente, elle n'est pas de ce monde, d'une non-violence intégrale, qui n'est pas en fait une non-violence, ça peut être une violence contre soi-même. Jan Palach, par exemple. Mais alors là, c'est vraiment très peu de gens qui peuvent être capables que de dire sans dérogation, moi j'ai un point de vue de non-violence, je ne leverai pas mon doigt, même pour me défendre de quelqu'un qui veut m'égorger, ou pire, qui veut égorger un enfant de moi devant mes yeux. C'est une position qu'on peut considérer d'un courage et d'une radicalité sublime, mais que je sache, c'est une position virtuelle, grosso modo. Par contre, la déformation, et je termine, de présenter, il y a des pires, parce qu'en Italie, pendant longtemps, on faisait des trucs d'un conspirationnisme factieux d'État qui disait « Ah, les Black Bloc, ils sont impensables, sont évidemment des flics déguisés ou sont des gens qui arrivent d'une autre planète. » Ici, évidemment, il n'y a pas, on n'arrive pas à ce type de vulgarité. Mais effectivement, on déforme, on rend grotesques des figures. Il y a quelques soirs à BMW TV, ça semblait un interrogatoire. C'était Bessant Senot qui disait « Non, je ne vous répondrai pas ». Il voulait absolument qu'il dise que les manifestants sont une race et les casseurs sont une autre race. Cro-Magnon et Sapiens Sapiens, je ne sais pas. Alors, hier aussi, je ne sais pas, j'étais allé à la bourse, il n'y avait personne. Je suis allé à l'école militaire et c'était déjà tout bouclé. Je ne sais pas, je n'étais pas un témoin oculaire. Tout le monde revenait en disant on nous a gassés d'une façon sauvage, on a, etc. Moi, je n'aime pas dire ah, les autres, c'est les méchants et nous, on est des agneaux, parce que ça signifie montrer patte blanche. Mais quand même, grosso modo, il y avait des formes de violences policières qui étaient évidentes. Après, si vous allumez la télé très tard, alors quelqu'un me dit, mais pourquoi tu allumes la télé? Bon, d'accord, je peux ne pas l'allumer, mais ça marche sur beaucoup de monde. Il semblait qu'il y avait eu, évidemment, il y aura eu des trucs musculaires, des gens qui ont réagi, des trucs, bah, quelques casses. Et qu'est-ce que ce sera? Qu'est-ce que c'est la casse d'une vitrine par rapport à la fondation d'une banque ou d'une entreprise? Mais à la télé, de nouveau, il semblait que ces casseurs, c'était des aficionados du geste esthétique violent, sans raison, et que donc à Paris, ici, là, tout aurait été tranquille, contrôlé, et que puis il y avait des gens qui étaient pris par une espèce de pulsion incoercible à casser quelque chose. Ce n'est pas comme ça, et comme l'avait dit très bien Xavier, quoi qu'on pense les uns, les autres, c'est un débat infini, il ne faut pas laisser ce stéréotype de dualisation d'un mouvement, parce que ça, c'est mortel, et c'est ça qui lui sert. Quant au syndicat, il faudrait dire que quand il ressort un comportement de service d'ordre qui se rassemble aux flics, il faut se rappeler toujours qu'eux, ils défendent plutôt leur pouvoir de corps intermédiaire que les intérêts et les besoins de prolos, ou comme on veut les appeler, et que donc ne sont pas tellement nos frères naturels. Salut. Merci, merci, merci. Bonsoir et bienvenue, enfin re-bienvenue sur Radio Debout. Donc vous pouvez écouter sur radiodebout.net ou mixlr.com/radiodebout. Donc nous sommes avec Nicolas qui fait partie du collectif qui a écrit le livre Constellation, trajectoire révolutionnaire du jeune 21e siècle, et Mathias qui est comédien qui a travaillé sur une pièce de théâtre en rapport avec le livre. Donc je vais commencer avec Nicolas. Très bien, bonsoir, c'est un plaisir de parler après Oreste Scalzone là, qui vient de s'exprimer en AG, et puis un petit rapport avec Constellation, c'est que lui il a fait partie d'une génération de jeunes Italiens qui dans les années 70 s'est jeté à corps perdu dans l'idée d'un horizon révolutionnaire et qui pendant plus de 10 ans à travers des manifestations, des fêtes, des occupations de logements, des occupations de maisons, des assemblées, a essayé de créer un rapport de force qui dessinait une possibilité de se sortir du capitalisme, et ça a été une génération incroyable qui nous a beaucoup inspiré et qui a été la génération de l'autonomie italienne, en fait, des mouvements autonomes. Lui, il faisait partie notamment de l'organisation Potere Operaio, le pouvoir ouvrier, où il y a eu cette alliance, cette rencontre absolument incroyable entre des ouvriers et des étudiants à la sortie des usines, dans les universités, etc., et qui était vraiment présent à tenir la rue pendant longtemps. Et je pense que cette génération révolutionnaire italienne, ça devrait toujours être une inspiration assez forte par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans La Nuit Debout et dans le mouvement contre la loi travail. Et nous, quand on a commencé à écrire Constellation, l'idée c'était aussi un peu de se dire qu'il y avait une génération politique qui était apparue à la fin des années 90 à travers les mouvements anti-mondialisation, qui avait redessiné l'idée d'une possibilité de s'affronter au capitalisme très fortement, et à un moment donné qui avait traversé un certain nombre de mouvements, squats, de soutien aux migrants, qui avait traversé des mouvements comme le CPE jusqu'à ce qui s'est passé sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes dans ces dernières années, et que cette génération, elle se dessinait non pas simplement à travers les formes classiques, partis, syndicats, manifestations, mais à travers un ensemble de manières de relier la vie et la lutte, en passant par des fêtes, des nouvelles manières d'habiter en collectif, des réappropriations de savoir-faire, des tentatives de reconstruire de nouveaux imaginaires, des manières de s'organiser du coup en dehors des partis et syndicats, des nouvelles formes d'intervention politique, d'action directe. Et c'est un peu cette histoire-là, l'histoire de cette génération, ces 15 années qu'on avait traversées, qu'on a voulu un peu écrire à travers une série de témoignages, d'enquêtes, de récits, d'hypothèses politiques, pour que ça puisse dessiner des pistes pour l'avenir, pour ce que serait aujourd'hui créer des horizons révolutionnaires. Donc voilà, ça c'était une espèce de petite introduction à ce bouquin qui est sorti il y a 2 ans, qui fait 700 pages. D'ailleurs, dedans, on retrace aussi comment un des groupes qui a écrit le bouquin a aussi essayé de raconter l'histoire de l'autonomie italienne, puisque ça a pas mal habité nos imaginaires. Et le bouquin, il est sorti il y a 2 ans, et du coup avec ce collectif qui s'appelle La Mauvaise Troupe, qui n'est pas un collectif qui est basé sur une ville, on était une dizaine de personnes, puis on a eu pas mal de contributions de part et d'autre. On a écrit pendant 2 ans, nous on n'est ni historien, ni sociologue, ni auteur, ni comédien, on est vraiment des gens en lutte, pris dans les histoires, pris dans les aventures qu'on raconte, et on avait envie que ces aventures, pour une fois, elles ne soient pas justement capturées à travers le langage journalistique, sociologique, qu'elles ne soient pas racontées par d'autres, mais par nous-mêmes, par les gens qui avaient vécu ces luttes-là. Et on a commencé à écrire ce bouquin qui est sorti sorti. Et puis là, tout récemment, le 2 mai, est sorti un autre bouquin dans lequel on s'était relancé après l'écriture de Constellation et qui raconte deux luttes qui, à notre avis, ont été très, très emblématiques dans ces dernières années, dans lesquelles on était plongé, qui est l'histoire de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, donc près de Nantes, une lutte à la base contre un transfert d'aéroport, contre la création d'un nouvel aéroport sur 2000 hectares de bocage, 2000 hectares de bocage qui sont en train de devenir une commune libre, une zone autonome qui est en train d'échapper au contrôle de l'État, puis tenter des manières de sortir justement du contrôle étatique, du maillage économique, et la lutte dans le Val Souza contre le train à grande vitesse, qui est une lutte populaire qui prend toute une vallée, qui dure depuis 25 ans et dans laquelle des dizaines et des dizaines de milliers de personnes se battent pour préserver leur vallée et trouver d'autres formes de vie dans cette lutte-là. D'accord, merci. Peut-être tu voulais commencer par nous lire un extrait de bouquin ou Ce que j'aime bien dans le livre, c'est que ça commence par cette phrase, c'est « De ce début de siècle, nous avons encore le souvenir ». Et ça, c'est très important. C'est ce que tu viens de dire, c'est que ce sont les acteurs eux-mêmes qui ont raconté, qui ont écrit ce bouquin et c'est ça qui est important. Oui, très clairement, pour nous, c'est un bouquin d'histoire contemporaine pour continuer à fabriquer notre histoire collective, quoi. C'est vraiment, on ne fait pas œuvre d'historien, on n'est pas en train de parler du passé quand on écrit ces histoires-là, on est en train de se dire quelles sont les pistes, quelles sont les hypothèses pour pouvoir continuer à avancer. Et très clairement, dans ces dernières années, on était un certain nombre à habiter sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, à être très présents dans cette lutte-là. Et par exemple, au moment où il y a eu la mort de Rémi Fraisse, qui a été un événement dramatique pour pas mal d'entre nous, aussi pour notre génération, de se dire qu'il y avait quelqu'un qui avait été dans des situations de lutte comme ça, qui pouvait se retrouver à se faire finalement assassiner par la police dans une situation de résistance, c'est quelque chose qu'aurait pu arriver plusieurs fois à Notre-Dame-des-Landes où il y a eu pas mal de répression policière. On s'est confronté pendant des semaines à des milliers de policiers pour préserver nos maisons, nos champs, nos cultures, etc. À ce moment-là, ça nous a beaucoup frappé. Et puis tout d'un coup, le mouvement ZAD se retrouvait dans la rue. Il y avait tout un tas de nouvelles ZAD, de nouvelles formes de résistance contre des projets, contre des destructions d'espaces à protéger qui apparaissaient un peu partout en France. Et à ce moment-là, on s'est dit, waouh, c'est en train de faire mouvement, il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Et en même temps, il faudrait pas que ce soit vécu comme un prêt à porter, comme des luttes qu'on peut parachuter de la même manière, un peu, pourquoi pas, un peu caricaturale partout en France. Il faut faire passer une partie de la complexité, de la finesse de l'expérience qu'on a vécue à Notre-Dame-des-Landes, arriver à la transmettre, et c'est aussi pour ça qu'on s'est mis à écrire ce nouveau livre, histoire de donner de l'espoir et des pistes à travers ces deux luttes-là. Ce qui m'intéresse, c'est à chaque fois le point de départ des auteurs, ça, à chaque fois on a l'impression que ça part du mouvement du CPE. Et en tout cas, j'entends souvent ça. Et moi, ça m'a vachement interloqué parce qu'on est dans un mouvement qui est à peu près semblable. Enfin, il y a quelque chose. C'est vrai que le CPE, en tout cas dans la trajectoire de Constellation, il arrive vraiment à mi-chemin. C'est-à-dire, nous, on commence notre histoire de lutte à la fin des années 90, parce que c'est là un peu qu'un certain nombre de personnes qui écrivons dans Constellation se met en mouvement à travers des expériences de squat, de contre-sommet, etc. Mais c'est vrai que le mouvement CPE en 2006, ça a été un moment marquant, puisque c'est un moment qui est comme un accélérateur de particules politiques où tout d'un coup, pendant plusieurs mois, il y a des facs occupés partout en France, des gens qui prennent la rue d'une manière qui est encore très marquée par les émeutes de 2005, parce qu'il s'était passé dans les banlieues avec une manière de tenir tête à la police, d'assumer le conflit, d'assumer une détermination qui arrivera à mettre en échec l'État, puisque le projet CPE sera retiré. C'est ce qu'on espère aussi avec le projet Loi Travail. Et c'est un moment qui a vraiment redessiné l'horizon politique aussi, où de nouvelles hypothèses se sont affirmées en disant le pouvoir se situe plus forcément uniquement à l'Élysée. Si à un moment on veut combattre le pouvoir peut-être se situe dans les flux, dans la circulation des marchandises, etc. Donc il va falloir bloquer les flux, il va falloir penser des formes d'action directe qui soient autres, qui échappent un peu au répertoire traditionnel des mouvements sociaux. Et ce mouvement-là, il a continué à marquer les années qu'on suivit, et on a l'impression qu'il ne faudrait surtout pas être dans quelque chose qui soit de l'ordre d'une commémoration. Quand on voit le mouvement là à travail, il y a quelque chose qui se réinvente, qui n'était pas là au moment du CPE, les occupations de place, la manière qu'on, par exemple, des forces qui ne sont pas organisées à travers les syndicats, de prendre les têtes de cortège, de tenir la rue, de continuer à être présents. C'est des choses qui n'étaient pas présentes de la même manière dans le CPE. Il y a des nouvelles choses qui s'affirment. Déjà, dans le CPE, il y avait la question du travail qui était centrale, qui était de se dire on vit dans un monde où le travail est de plus en plus aliéné, obsolète. Comment on pourrait dépasser ça? Comment on pourrait repenser le travail de manière totalement autre? Le sortir, pourquoi pas, de la rentabilité, du maillage économique, du patronat, etc. Et ça se retrouve dans la loi travail. En même temps, c'est quelque chose qui est complètement différent, qui est en train d'arriver là. là, mais on a l'impression qu'il faut aussi que les expériences sédimentent et qu'à chaque fois, on apprenne, qu'on en tire des leçons et qu'on reparte de nouveau. Et nous, c'est vrai que à Nantes, le mouvement pour la loi travail, à la base, nous, par exemple, sur la ZAD, on est pas mal à ne pas travailler dans les prismes classiques du travail salarié, tout simplement parce qu'on s'organise autrement, en collectif, pour produire, pour travailler, certes, mais sans être pris dans ces contraintes-là. Et je pense qu'il y a des jeux, il y a des jonctions qui peuvent se faire entre différents mouvements. Et par exemple, pour nous, c'est très important de pouvoir affirmer, dans le cadre du mouvement loi travail, bah, que c'est possible de s'organiser pour vivre sans le travail salarié, tout en soutenant aussi les gens. Tu veux dire qu'en fait, vous n'êtes pas employé ? Vous n'êtes pas dépendant de l'emploi. Oui, c'est-à-dire qu'on travaille énormément, voilà. Mais pour des choses qui nous plaisent, qui nous passionnent, qu'on produit parce que c'est important pour nous, parce que c'est joyeux, parce que ça se mêle à des réappropriations de savoir-faire, à des fêtes, à des chantiers collectifs, que ça se mêle à des luttes, que c'est pris voilà, dans un ensemble, dans un quotidien qui est pris dans la lutte et qui est passionnant et qu'un mouvement comme celui-là, éminemment un mouvement contre la loi travail, il pose la question de réinventer le travail et de le prendre autrement. Mais déjà, arriver à le dissocier de l'emploi, qui est une chose abominable en soi, puisque c'est quelqu'un qui va décider si oui ou non tu as un emploi et qui va décider si oui ou non tu peux subvenir à tes besoins, ne serait-ce que primaires, c'est-à-dire manger, dormir, boire. Donc ça, c'est quand même quelque chose... assez violent. C'est très violent. C'est ça que je trouve hyper beau dans le bouquin, c'est que des gens qui parlent de comment se libérer de ça, comment se libérer de cette chose-là, et ça a même une valeur poétique, moi je trouve, dans le premier récit. Ce mec qui milite et tout, qui est là à Bordeaux, CPE, il sait pas trop pourquoi, il a de la violence en lui, et puis en fait finalement il se retrouve à gérer un verger, et en fait c'est super beau, parce qu'il se retrouve maître de son travail, maître de ses fruits, il est avec trois potes, il partage un verger, et même si ça va là, je trouve ça vraiment super beau à chaque fois, à chaque récit. Mais c'est vrai que ça, c'est une des choses qu'on a cherché dans la première partie de Constellation. Du coup, c'est organisé en grand enjeu thématique autour de l'imaginaire, de l'habité, de la réappropriation de savoir-faire. Mais en tout cas, la première Constellation, c'est autour de la désertion. Et pour nous, la désertion, on la conçoit pas comme une mise à l'écart communautaire dans divers ghettos alternatifs, etc. Ça peut pas être ça, ou en soi, ce serait pas tellement intéressant ou suffisant. Mais c'est par contre comment, collectivement ou individuellement, par moment, on trouve des décalages par rapport à une vie individualisée, consumériste, par rapport à, voilà, au sentiment d'être prisonnier de certaines formes de travail, et il y a des moments qui créent des déclics. Alors ça peut être le CPE, ça peut être la rencontre avec la ZAD, ça peut être un voyage en autostop, ça peut être une histoire d'amour, mais un moment qui couvre une brèche dans ce monde-là et qui à un moment donne l'idée qu'ensemble, avec d'autres personnes, on peut sortir de ça et se donner une force collective. Et effectivement, moi, ce que je peux voir, c'est que sur Nuit Debout, puisque avant de faire de la radio, j'étais à la cantine, je me suis retrouvé à gérer la cantine, chose que je n'avais jamais faite avant. Et je crois que je n'ai jamais été aussi content de faire quelque chose d'aussi constructif. C'est-à-dire je ne gérais que la cantine, c'est-à-dire je faisais les équipes, je ne touchais quasiment pas à la nourriture, mais je voyais comment un travail libre peut se faire et peut être beaucoup plus émancipateur que n'importe quel autre emploi qu'on est obligé d'avoir pour survivre finalement. Ouais, je pense que c'est quelque chose aussi qu'on vit de manière très forte au quotidien à Notre-Dame-des-Landes, où en fait on a la chance à un moment d'avoir libéré comme ça, alors de manière qui peut-être restera temporaire et peut-être qu'on réussira à pousser pendant des années et beaucoup plus, mais en tout cas on a la chance d'avoir libéré 2000 hectares où on cultive des centaines d'hectares en collectif. Alors après on fait pas que de l'agriculture, quoi. Il y a une radio comme ici, une radio libre, il y a un journal qui sort chaque semaine qui est distribué dans les 60 lieux de vie de la zone, il y a des gens qui se réapproprient des savoir-faire médicaux, des gens qui font des studios de hip-hop, des salles de concert, des gens qui font de la meunerie, de la boulangerie, qui font du métal, etc. Mais à un moment, la chance qu'on a, c'est de se dire on a à disposition tout un tas d'outils, de terres, on a des gens, par exemple des camarades paysans qui sont avec nous dans la lutte, qui sont prêts, tu vois, à donner du matériel, à nous apprendre quoi faire, à le faire avec nous. Et ça, c'est pas pris dans un rythme où tous les jours c'est de 8h à midi, etc. C'est fait en fonction des besoins. On essaye de penser la redistribution aussi. Chaque semaine, en fait, il y a un non-marché, ce qu'on appelle un non-marché à prix libre, où en fait ce qui est produit sur la zone, notamment en termes alimentaires, est distribué et chacun vient prendre ce qu'il veut en donnant ce qui lui semble juste ou possible de donner. Et ça, c'est une expérience qui est assez passionnante et dont on a envie qu'elle puisse être contagieuse. Et bon, je suis un peu néophyte sur les ZAD, mais comment ça marche? Si j'ai envie d'y aller, j'arrive, je dis bonjour, je veux faire partie de la ZAD. Mais je pense, comme plein d'expériences collectives, c'est un territoire habité où en fait les gens se connectent en fonction d'affinité, d'une envie de s'impliquer dans la lutte, d'une possibilité de se dire « Ah là, il y a quelque chose qui se passe, qui me touche, je pourrais habiter là, construire une cabane, rejoindre tel collectif. » Avant tout, les raisons pour lesquelles des gens sont arrivés à Notre-Dame-des-Landes, très précisément, c'est parce que la zone se vidait, parce qu'il y avait des pressions des promoteurs, des pressions de l'État pour faire partir les agriculteurs, pour faire partir les habitants historiques. Et à un moment, un certain nombre de ces habitants historiques ont dit « On ne pourra pas défendre un territoire qui est vide, donc on va appeler les gens qu'ils pourraient, partout à travers l'Europe, à venir habiter cette zone. » Donc on a été un certain nombre à répondre à cet appel, qui date déjà d'il y a 8 ans maintenant, et à se dire « Ouais, ok, on va venir habiter là, à la fois parce qu'on pourrait être utile dans une lutte contre un projet de merde, contre un projet emblématique de notre époque, qu'entraînait la disparition de terres agricoles, qu'entraînait plus de production de gaz à effet de serre avec l'accroissement du trafic aéroportuaire, qu'entraînait un accroissement de la métropole nantaise. Et puis là, on pourra à la fois combattre et expérimenter d'autres formes de vie. » Et puis petit à petit, à chaque fois qu'il y a eu des grands moments de résistance, d'autres personnes se sont arrivées, se sont liées à nous, et voilà, c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Et l'idée, bien sûr, c'est pas que le plus de monde possible vienne habiter à Notre-Dame-des-Landes, mais c'est qu'il y ait d'autres espaces qui se libèrent à différents endroits en France, mais même en partant des villes, en partant des places, en partant d'autres endroits à la campagne. Et ce qui a donné de plus fort la lutte de Notre-Dame-des-Landes, c'était de se dire, à un moment donné, quand on libère des zones comme ça, quand on combat, quand on s'ancre dans un espace, il y a pas une fatalité à un moment à se faire expulser par la police, il y a pas une fatalité à se faire écraser par les tractopelles. Le moment de 2012 et de l'opération César, où 2000 policiers sont venus pour nous expulser, il était particulièrement puissant et emblématique, parce qu'à la base, on était 200 derrière nos barricades à résister, et contre toute attente, en fait, il y a juste des dizaines de milliers de personnes qui se sont solidarisées avec nous, de toute la région, mais aussi un peu partout en France, qui sont venus apporter du ravitaillement, qui sont venus construire, renforcer les barricades avec nous, des paysans qui sont venus avec leurs tracteurs. Et à un moment donné, au bout de plusieurs semaines, on a réussi à mettre en échec la police. Au bout de plusieurs semaines, il y a 40 000 personnes qui sont revenues reconstruire un village avec nous pendant un week-end, après des semaines de destruction. Et à un moment, l'État et la police se sont retirés. Et pour tout un tas de personnes un peu partout en France, ça a été porteur d'espoir, parce que c'était la possibilité de se dire « Ah ouais, à côté de chez moi, il y a un supermarché qui va se construire, qui va faire disparaître un endroit que j'aime bien, il y a peut-être des gaz de schiste qui vont s'installer, il y a peut-être tout un tas de projets. » Et en fait, non, c'est possible d'empêcher ça. Et c'est ça que porte et véhicule encore aujourd'hui aussi bien la ZAD de Notre-Dame-des-Landes que la lutte qui se passe dans le Val de Suse en Italie. D'accord, en fait, c'est une sorte de changement qu'on est en train de vivre, et ça commence par soi-même, et en prenant conscience finalement que les choses se passent juste à côté de chez nous, on peut aller les reproduire, on peut participer, et finalement on va avoir un changement global, quelque chose comme ça. Ça serait bien qu'on change de société finalement. Ouais, c'est ce qu'on espère, et c'est dans ce sens-là qu'on écrit et qu'on lutte. Et c'est ce qu'essaye de nous dire le bouquin Constellation. Donc, c'est co-écrit par Nico du collectif Mauvaise Troupe. Et voilà, aux éditions L'Éclat. Et c'est de la balle, c'est vraiment de la balle. Ouais, c'est un bouquin à conseiller, à offrir. Bon, on n'est pas à Noël, mais vous pouvez l'offrir en cadeau comme ça. Voilà, puis vous pouvez trouver du coup en librairie depuis 10 jours Contrée, qui est un deuxième tome écrit par la Mauvaise Troupe. Du coup, histoire croisée de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et de la lutte notable dans le Val Souza, et qui est présent dans les librairies sur Paris et ailleurs. Ok, merci. Bon, je vous rappelle que vous êtes sur Radio Debout. Écoutable, ça se dit ? Oui, ça doit se dire. Sur radiodebout.net, vous pouvez retrouver les podcasts sur SoundCloud, et on vous laisse, on repart sur l'AG. On va repartir sur l'AG, et puis après on va aller direction le Pays Basque. Merci. Radio Debout. On a tout ce qu'on veut. Mais une fois que vous êtes dans la merde, il y en a combien qui restent à côté de vous ? 2, 3 ? Pas plus. Et moi j'ai ma copine qui est morte et je me plains pas. Merci mon frère. Excusez-moi, je voulais pas vous déranger, je vous demande pardon, d'accord ? Moi, je vais continuer mon combat pour trouver 150€ pour ma chambre meublée et me guérir du cancer de la peau. Le reste, je m'en bats les couilles, réellement. Je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Bon, on rappelle qu'on aime tout le monde, les SDF, les Français, les non-Français, on aime vraiment tout le monde. Et on a une opposition radicale. Voilà, je voudrais faire une petite opposition radicale sur le point qui a été dit. On est tout seul, pas de famille, pas d'amis. Moi, je vous dirais un point très important. L'argent, ok, il y en a, ils pensent, l'argent, ouais, il faudrait que j'ai plein de zéros dans mon salaire, etc. Mais et, ouais, c'est le plus important, belle voiture, machin. Le plus important dans la vie, c'est la famille. La famille, ok. Il y en a, leur famille, c'est des amis. Sans ça, vous êtes rien. Vous allez tout en bas, vous allez dans la déchéance. L'argent, c'est bidon. L'argent, ça va, ça vient. Une mère, un père, on n'en a qu'un. On n'en a qu'une. Frères et sœurs, c'est la même chose. D'accord ? Par contre, on est aussi... La fraternité, on l'oublie. On l'oublie, la fraternité dans la République. Et là, c'est bien sur la place de la République, cette fois-ci, on la retrouve, la fraternité. C'est une belle contradiction et je suis très content de voir ça. Voilà. Merci, merci. Est-ce qu'on peut re-solidariser l'AG un petit peu et vous asseoir sur les côtés derrière, s'il vous plaît ? Ça serait super cool, avec un petit chemin au milieu pour la prise de parole. Et s'il vous plaît, si vous pouvez aussi avancer, vous rapprocher, on va essayer de baisser un peu le son si jamais c'est trop fort. N'hésitez pas à nous le dire. Donc on appelle Arthur. Bonsoir à tous. Moi, je suis venu quelques fois écouter Nuit Debout. Je trouve ça super qu'il y ait des gens sur une place qui parlent et qui essayent de refaire le monde, de changer les choses, d'améliorer les choses sans violence. Mais je voudrais répondre à toi, Sylvain. Sylvain qui dit « Nous ne vivons pas dans une démocratie ». Moi, ça me choque énormément d'entendre ça. Je trouve que ce sont des propos qui sont limite révoltants. Quand on sait ce qu'est une démocratie et quand on sait ce qu'est pas une démocratie, moi, je donne un exemple, je suis un petit-fils de déporté. Lui, il sait ce que c'est ne pas vivre dans une démocratie. Les gens qui vivent aujourd'hui en Afghanistan, ils savent ce que c'est pas vivre dans une démocratie. Les citoyens robots de Corée du Nord, ils savent ce que c'est. Il y a un certain nombre de gens qui savent concrètement ce que c'est de ne pas vivre dans une démocratie. Donc moi, je trouve que je suis OK pour réfléchir à une 6e République. Je trouve ça très, très bien. Et réfléchir à une nouvelle constitution, tout ça. Mais on a 577 députés. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tous. Il y a des députés communistes. Il y a des députés du Front de Gauche. Il y a des députés à la gauche de la gauche. Quand tu dis qu'on n'est pas représenté, c'est faux. Parce que quand tu votes... Tu choisis des députés, on est dans une démocratie a priori représentative et il y a des gens qui sont élus parce qu'il n'y a pas 70 millions de personnes malheureusement qui peuvent prendre la parole à Nuit Debout. Donc il y a un petit nombre de personnes qui portent la voix d'un nombre plus grand de personnes. C'est ça la démocratie représentative. Elle est très imparfaite, il y a des lobbies, il y a des choses qui ne marchent pas, je suis d'accord. Mais de dire qu'on n'est pas une démocratie, c'est faux et archi faux et ce n'est pas comme ça qu'on fera avancer les choses. Voilà. Juste un petit message, après on a une opposition radicale, donc il est question de faire tourner l'équipe de modération, donc pour tous ceux qui sont motivés de prendre ma place et de prendre la place d'Hélène à la prise de parole et aussi des facilitateurs, on aurait besoin d'une équipe de modération qui fasse le relais tout à l'heure. Donc message passé. Et maintenant c'est à l'opposition radicale de prendre la parole. Donc c'est à propos de qu'on serait dans une démocratie Moi, je suis pas du tout d'accord. Premièrement, on choisit pas les gens pour qui on vote. C'est pas nous qu'on choisit les gens pour qui on vote. C'est des gens qui ont de l'argent. C'est les médias. Voilà. Et en plus, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire complètement le contraire de ce qu'ils ont dit. Et vous appelez ça une démocratie ? Bah, pas moi. Je suis désolé. Voilà. Nous sommes dans une oligarchie plutocratique. Voilà dans quoi on est. C'est les riches qui gouvernent. Une kleptocratie. Nous sommes dans une oligarchie plutocratique, c'est les riches qui gouvernent, parce que nous les laissons faire. Voilà. Et Nuit Debout, justement, c'est le contraire. C'est la démocratie. Et justement, c'est la démocratie. C'est ce besoin de démocratie qui manque au gouvernement, qui manque dans les syndicats, qui manque dans les partis politiques, qui manque dans les entreprises. Et voilà, quoi. Et Nuit Debout, c'est justement cet espoir. C'est les signes avant-coureurs d'un monde nouveau qui est en marche. Merci, citoyens et citoyennes de Nuit Debout. Vous écoutez la radio Debout. C'est une radio où ce qu'on parle, mais on est debout. Eh bien, nous quittons la place de la République pour une escapade dans le sud, direction le Pays Basque. Yakesh Bortairou, vous m'entendez ? Oui. Où vous êtes précisément ? Ben là, moi, je suis aussi à la place de la République, à Bayonne, où se déroule tous les vendredis soirs aussi une nuit debout. D'accord, alors vous travaillez pour AEK, c'est la coordination des cours de basque pour adultes au Pays Basque Nord. Mais ce soir, c'est aussi parce que vous êtes membre d'un collectif, le collectif pour le retrait de la loi travail que nous vous appelons. Ce collectif porte un nom basque, hein, c'est ça ? Non, il s'appelle jusqu'au retrait collectif bois, voilà. D'accord, et alors donc, commençons par le début, par la genèse. Comment est née cette idée et quelle forme a-t-elle pris ? Alors, au Pays Basque Nord, hein, où nous sommes, il y a un certain nombre d'organisations politiques, syndicales ou autres qui travaillent toute l'année, qui travaillent ensemble des fois, pas toujours. Mais là, dès le mois de mars, quand les premières mobilisations se sont lancées, notamment celle du 9 mars, des gens se sont contactés pour créer donc ce collectif, pour travailler ensemble, parallèlement aux initiatives de l'intersyndicale locale, pour essayer de rassembler les forces et de renforcer les mobilisations et de faire des actions contre cette loi Comri et pour le retrait de cette loi travail. Et alors, quelles actions, par exemple ? Bon, mais dans un premier temps, on a participé à toutes les actions, toutes les mobilisations de l'intersyndicale, et puis après, on a appelé à des assemblées générales pour que les gens puissent discuter de la suite. Alors, bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu dans un premier temps beaucoup de succès parce que les mobilisations ici ont été quand même un peu réduites. Mais sur les derniers jours et tout ça, il y a eu quand même des choses qui se sont faites. On a fait d'abord une première occupation de la Société Générale en fin de manif. J'ai oublié la date, sur une des mobilisations. C'était juste au lendemain de l'affaire des Panama Papers et tout le monde était très content, très heureux en fin de manif d'aller. Les flics étaient très très très paniqués de nous voir partir comme ça, mais on est allé occuper la Société Générale et ça fait plaisir à tout le monde. Et puis mardi matin, là, on est allé bloquer l'entreprise du représentant local du MEDEF, qui est une personnalité locale assez connue, qui est élue aussi et qui a un discours évidemment très très MEDEF, hein, voilà. Et donc on est allé bloquer sur l'entreprise, on a pu discuter pendant 2 heures avec ses ouvriers, ses employés, ça s'est assez bien passé. Et puis on a essayé aussi d'investir la chambre de commerce qui héberge le MEDEF lors de la dernière mobilisation, mais là la police était au courant et donc on n'a pas pu rentrer, on a été bloqué par les forces de police. Alors donc si je comprends bien, donc le collectif est né avant Nuit Debout, mais vous nous disiez là en début d'interview que Nuit Debout à Bayonne aussi debout. Et alors donc il y a eu des connexions qui se sont faites, vous avez travaillé ensemble, comment sont les relations ? Oui, alors bon, le collectif, comme je dis, donc s'est constitué dès mars, bon, parce que c'est des gens qui ont déjà travaillé ensemble, qui sont déjà mobilisés pour l'état d'urgence, pour soutenir la Grèce l'an dernier, au moment de la COP21. Donc bon, il y a cette habitude, donc d'entrée de jeu, les gens ont vu qu'il y avait quelque chose qui allait se passer et qu'il fallait travailler ensemble. Et puis après, quand il y a eu l'appel Nuit Debout qui a été lancé, ici aussi, un peu comme partout, donc il y a eu une première Nuit Debout qui s'est faite. Bon, le public de Nuit Debout, c'est quand même un public qui est un peu différent donc des réseaux militants habituels. Hein. C'est des gens, d'autres gens qui viennent là, qui discutent, qui s'organisent et tout ça. Donc, bien évidemment, tout ça a des connexions, tout ça travaille ensemble. Les gens de Nuit Debout sont bien évidemment sur les manifs de l'intersyndicale, viennent aussi sur les actions lancées par le collectif. Et le collectif aide aussi à l'organisation technique de Nuit Debout, mais avec toujours une certaine distance, puisque bon, voilà, il y a dans le pays de Nuit Debout une certaine réserve vis-à-vis des groupes organisés, pas du tout d'hostilité, mais bon, une volonté de s'auto-organiser, de faire les choses de leur côté. Donc voilà, un soutien logistique et puis une participation, et voilà, tout ça fonctionne plus ou moins ensemble, on va le dire. Alors la loi a été est finalement passée via le 49.3, la loi travail. Quelle va être la ligne du collectif et est-ce que vous vous démobilisez ? Alors nous, depuis le début, notre mot d'ordre, c'est la loi travail, on n'en veut pas, et jusqu'au retrait, on se battra contre le MEDEF et son gouvernement, on bloque tout ici et maintenant. Bon, on n'a pas toujours les forces pour mettre en ordre ces mots d'ordre, mais c'est clair que pour nous, il faut se battre et il faut continuer à se battre et qu'il faut tout faire pour bloquer l'économie, pour que les gens partent en grève reconductible et vraiment mettre le gouvernement au pied du mur et contre le mur, dos au mur, pour que cette loi soit enlevée. Bon, on a eu d'autres exemples avec le CPE, hein, de lois qui étaient passées et qui après ont été suspendues. Voilà, à notre avis, les choses ne s'arrêtent pas là. Au contraire, elles sont commencées. Je pense que la semaine prochaine, enfin, tout le monde dit ça, va être un moment très important avec deux journées d'action, des secteurs un peu stratégiques qui vont se mettre en grève. Voilà, nous, on est là, on a plein d'actions préparées, on a déjà des rendez-vous le matin très tôt, des objectifs prévus. Non, notre idée, c'est vraiment de continuer la lutte et d'essayer de bloquer l'économie pour faire pression. Oui. Alors, le Pays Basque est connu, Jacques Portayrou, pour être une région où les luttes sont nombreuses. Vous avoir au bout du micro, c'est peut-être l'occasion justement d'évoquer ces autres luttes du Pays Basque, dont les médias finalement parlent assez peu. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour d'horizon des luttes actuelles ? Oui. Alors, au Pays Basque, le Pays Basque Nord, c'est une petite région. Hein. Bon, il y a le Pays Basque dans son ensemble. Le Pays Basque Nord, c'est 300 000 habitants. Hein. C'est un demi-département, hein, dans le sud-ouest. Donc, il y a un certain nombre de luttes. Je ne sais pas s'il y en a plus ou moins qu'ailleurs. Un certain nombre de luttes, certaines qui sont assez communes, qu'on peut voir ailleurs dans d'autres régions d'État français, et d'autres qui sont spécifiques à ce territoire. Donc, dans les luttes qu'on peut voir ailleurs, y a évidemment des luttes syndicales et tout ça. Puis ici, il y a des luttes, par exemple, contre les grands projets inutiles, puisque ici, on a un projet de TGV. Donc, on a depuis maintenant les années 90 une lutte importante qui se mène par un ensemble d'organisations écologiques regroupées dans le CAN et qui se battent de façon exemplaire avec tout un tas de mobilisations, de référendums, enfin d'actions contre cette ligne TGV, donc qui est vraiment ici au Pays Basque une horreur et une absurdité, enfin qui est une absurdité économique, une absurdité écologique. Donc il y a cette lutte-là qui se mène. Ensuite, on a d'autres types de luttes comme peuvent se mener ailleurs. Je pense, on a par exemple le mouvement Alternativa qui a démarré du Pays Basque, hein, en 2013 à Bayonne et qui s'est répandu ailleurs. Et puis après, on a ici un mouvement très important autour de tout ce qui est l'agriculture paysanne, avec tout ce qui est les circuits courts, les AMAP et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est très développé ici. Avec le syndicat majoritaire chez les paysans ici qui est affilié à la Confédération paysanne. Donc ça, c'est aussi un secteur de lutte important. Et puis après, on a toutes les luttes qui sont plus spécifiques à ce territoire, qui sont liées à l'existence d'une, de ce qu'on appelle une question nationale. Donc que ce soit les luttes autour de la reconnaissance institutionnelle du territoire ou la reconnaissance de la langue ou tout ce qui est lié à l'existence du conflit politique basque, le conflit armé même, et tout ce qui est la répression, le soutien aux prisonniers politiques, etc. etc. Voilà. Écoutez, merci Jacques Portayrou. Nous allons quitter la place de la République à Bayonne pour la place de la République à Paris, où nous retrouvons l'AG. Radio debout. Pardon Sophie, je pense que peut-être que ça a été une tentative de démocratie, qui a eu une vraie volonté certainement de mettre en place une démocratie. Mais comme dans toute dictature, il y a des degrés, comme dans toute démocratie, il y a des degrés, peut-être qu'il va falloir dépasser un peu ce débat de oui, c'est une démocratie ou non, c'est pas une démocratie. Et là, je te rejoins, oui, qu'est-ce qu'on crée maintenant ? On s'en fiche de savoir si c'était démocratique ou pas. Maintenant, nous, on veut une vraie démocratie directe. Et ça, on ne l'a pas. Alors, si je puis me permettre, on ne l'a pas. Par exemple, un exemple, je ne suis pas très bonne en politique, mais j'ai lu un texte sur la Suisse où la population avec 100 000 signatures peut proposer un référendum pour créer une loi. Ça, par exemple, il me semble qu'on n'en a pas la possibilité en France. Et puis par ailleurs, on n'a pas un vrai droit de parole puisque quand on dérange, on se fait taper sur la gueule et en direct. Commission travail, Béchir. Est-ce que Béchir est là? Bonsoir. Je souhaitais déjà saluer les débats et la qualité des débats qu'il y a depuis tout à l'heure. C'est assez intéressant. Oui, juste pour parler de la loi travail. Donc, je travaille pour la, enfin, je bosse pour la commission refondation du code du travail. Donc, on fait un travail de fond assez pointu sur les textes. On a reçu le texte qui est passé en 49.3 et je souhaitais vraiment féliciter chacun d'entre vous au nom de cette commission travail parce que le préambule qui avait été rédigé par Badinter, à savoir avec cet article 1 qui disposait que les droits et libertés fondamentales des individus étaient conditionnés aux nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise, ce préambule a disparu du texte qui figurera dans les codes du dans le code du travail de demain. Donc c'est une vraie victoire. Le plafonnement des indemnités au niveau des licenciements, il a été supprimé parce qu'il avait déjà été déclaré inconstitutionnel. Donc même si la loi est passée en 49.3, c'est pour vous dire qu'ils avaient fait énormément de concessions au niveau de la qualité du texte. C'est un texte qui est beaucoup plus qualitatif déjà que le texte initial qu'on avait eu en février qui était catastrophique. Maintenant, on attend de vous aussi un soutien parce que Nuit Debout, c'est vrai, c'est une contestation, mais ça doit aussi être une force d'opposition, de proposition, proposer une véritable alternative. Donc, on va travailler jusqu'au mois de septembre pour faire des vraies propositions pour l'emploi. On compte sur vous pour nous soutenir. On va mettre au niveau de Gazette Debout demain une adresse mail sur laquelle vous pourrez nous soutenir et participer à nos réunions. Et donc, voilà, donc, je souhaitais simplement vous remercier pour l'engagement. On continue, ça nous motive et c'est ce qu'il faut. Je reprendrai simplement les mots de Léon Gontran Damas qu'on devrait tous reprendre. Nous, les peu, nous les riens, nous les maigres, nous les nègres, nous à qui n'appartient plus même l'odeur blême des tristes jours anciens, qu'attendons-nous pour faire les fous, pisser un coup sur cette vie stupide et bête qui nous est faite? Si nous, nous ne faisons rien, ça n'avancera pas, il faut qu'on soit force de proposition aujourd'hui et on compte sur vous pour nous soutenir. Voilà, merci beaucoup. Et oui, c'est presque notre plus long jingle. Il est pas mal, hein, il est pas mal. On profite du passage, enfin, on n'est pas vraiment sûr si le Boléro va passer dans le domaine public ou pas, mais on l'utilise. Alors, on est sur le plateau de Radio Debout, on est Place de la République, on est le 74 mars, et on est avec Mathilde Serrel, journaliste radio, mais pas que, donc qui a travaillé à Nova et à France Culture, enfin, qui est à France Culture, et qui va nous parler, donc on est avec Manon, et qui va nous parler de son texte, de son livre, qui s'appelle Combat. Oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous voulez que je vous d'abord, en parle en général? Ah non, en général et en particulier, on voudrait qu'on en parle sous toutes les coutures. Alors d'abord, il est très joli, c'est un petit livre jaune, et sur la couverture, donc le titre est écrit en rouge, et sous la couverture, il y a deux gants de boxe. Et ce livre est dédié à Luther Blissett. Est-ce que vous pouvez nous raconter qui est ou qui n'est pas Luther Blissett? Alors Luther Blissett, à la base, c'est un joueur de foot anglais qui avait marqué contre son camp. Et en fait, à un moment dans les années 90, il y a tout un mouvement d'activistes qu'on disait liés aux ludites qui ont eu envie de prendre le nom de Luther Blissett comme un nom générique. Il suffisait juste d'être à peu près en accord avec la philosophie Luther Blissett et on pouvait signer un texte Luther Blissett, mener une action, lancer une association sous le nom de Luther Blissett. En fait, c'est le début un peu de ces noms génériques dans l'activisme. On va le retrouver avec les antipubs plus tard sous le nom de Robert Johnson. Et donc Luther Blissett, c'est quelqu'un qui a pu donc signer des textes, on va dire, sur l'activisme joyeux, non violent. Et c'est aussi, par exemple, quelqu'un qui va signer le manifeste des astronautes autonomes. Ce sont des gens qui défendent l'idée que la sexualité dans l'espace et en apesanteur est très importante. Et que la course, en fait, technologique et puis surtout, voilà, géopolitique entre les puissances sur l'espace est vaine. Parce qu'on ne s'intéresse pas aux vrais besoins des citoyens, qui est de savoir comment se passe le sexe dans l'espace, comment explorer ses possibilités. Voilà, donc l'association des astronautes autonomes signe des textes Luther Blissett. Mais on peut tous être des Luther Blissett. Moi, j'ai appelé mon chat Luther Blissett, par exemple. D'accord. Et donc, est-ce que pour commencer, on va peut-être écouter un petit extrait un petit chapitre, parce que ce livre est découpé en chapitres qui sont assez courts. Et Manon va nous lire. C'est tout plein de petites. J'ai l'impression, je viens de l'avoir entre les mains, tout plein de petites idées comme ça pour résister à son petit niveau, dans son coin, chez soi. Il y a plein de petites recettes. Ouais, en fait, c'est arrivé au moment où. Il y a eu une vague d'activisme, on va dire, au début des années 2000, qui est devenue justement assez joyeux, ludique, rigolard, festif. Et puis, voilà, il y a eu un moment, un petit essoufflement, et je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait avant que ça se relance ? Est-ce qu'on ne réfléchit pas à ce qu'on peut faire individuellement, quotidiennement ? Voilà, c'est un peu le principe colibri de Pierre Rabhi. Oui, bien sûr. C'est cette idée-là. Et donc, je me suis dit, on va choisir un certain nombre d'actions concrètes qui n'impliquent pas de rejoindre une association, qui n'implique pas d'être intégré à un mouvement. C'est un peu comme les Anonymous, on y rentre, on y sort quand on veut. Et là, c'est une individualité qui permet de, voilà, d'être ce jour-là actif et peut-être qu'un an plus tard, si tout le monde s'y met, ça permet de faire avancer voilà. Le public. Et c'est réparti en gants de boxe qui sont les niveaux de difficulté de l'action. D'accord, ok. Oui. Alors, on peut peut-être écouter Manon qui va nous lire l'édition d'un journal, c'est ça ? Comment éditer un faux journal. Ouais, voilà. On peut rentrer éditer un faux journal. Matière, avec ça, ouais. Donc, le HAWC, c'est un classique de l'activisme qui permet de mettre au jour une réalité ou une urgence, de l'imposer dans les consciences sans l'enfoncer à coups de marteau. Merci. Dans l'esprit canular, on est plus proche du faux documentaire de la RTBF sur l'apparition de la Belgique que de la caméra cachée de Marcel Béliveau. RIP. Après la distribution d'un faux New York Times annonçant la fin de la guerre en Irak et le faux Herald Tribune publié en décembre 2009 par Greenpeace pour imaginer ce que devrait être l'issue du sommet de Copenhague, sortie du nucléaire et investissement massif dans les énergies renouvelables. Les Yes Men, ces rois de l'imposture, ont lancé un faux numéro de New York Post à la une « We are skewed », on est baisés. Avec cette fois de vraies news à l'intérieur, notamment une étude alarmante sur l'impact du réchauffement climatique à New York, une météo du futur et des infos sur la Deutsche Bank capable d'investir à la fois dans un compteur carbone et dans les mines de charbon. Pour sonner l'alarme, à votre tour, éditez votre faux journal où que vous soyez. Grâce au site fauxday.com, un générateur de faux journaux, oui ça existe, vous n'aurez plus qu'à rentrer dans les cases prévues. Son nom, la date de publication, le titre de une, la photo, les textes, et hop, vous avez généré votre journal. Plus facile, attaquez-vous à votre journal d'entreprise et annoncez une augmentation généralisée. Quelle bonne idée. C'est un joli programme, mais vous avez aussi montré vos seins, lavez-vous à plusieurs, jouissez global, prenez un congé solidaire, préparez un attentat au bulbe. Alors celui-là, il est assez énigmatique, je ne l'ai pas lu. Qu'est-ce que c'est un attentat au bulbe ? C'est un classique de ce qu'on appelle le guérilla gardening. Donc c'est une forme de protestation jardinière qui consiste à réinvestir l'espace public en faisant des attentats aux bulbes, c'est-à-dire en jetant des graines, donc ça s'appelle des bomb seeds, donc des bombes de graines, un petit peu partout, vous les faire pousser des choses, et ce sont des gens qui très sérieusement mènent une guérilla urbaine pour refleurir, pour reverdir, et c'est ça l'attentat aux bulbes. D'accord. J'aime beaucoup. Et il y a eu après, jardin... Les abeilles peuvent butiner ces fleurs, donc on ne sait jamais, enfin voilà, tous les voilà. Les petites contaminations après qui s'en suivent. Oui, il y a eu Jardin Debout ici qui a essayé de réinvestir l'espace public. Bon, ils n'ont pas balancé les bulbes, ils les ont plantés, mais ils se sont fait arracher les bulbes et remettre le béton sur la place. Mais vous avez aussi Entrée en résistance pileuse ou Draguer vert. Alors Draguer vert, c'est quoi Draguer vert ? Non, mais Draguer vert, c'était... À un moment, il y a une apparition de multiples sites internet qui étaient, comme ça, on va dire, dédiés aux rencontres par type d'affinité. Donc, c'est vrai que ça avait commencé avec des affinités religieuses, des affinités locales, etc. Et là, c'était en gros rencontrer des gens qui ont des affinités écologiques, quoi. Être avec quelqu'un qui ne sera pas contre le compost, qui aura un sens, on va dire, de l'économie énergétique, de la sobriété joyeuse. Enfin, voilà. C'était l'idée de rencontrer quelqu'un qui avait lui aussi, on va dire, une fibre écologique. C'était quelqu'un avec qui on pouvait partager. Après, on peut se marier en vert aussi. Il y en a une. Mariez-vous en vert. faire parce que le blanc est out. Voilà, mais non, mais ça, c'était avec tout ce qui peut être fabriqué aujourd'hui en robe de mariée à base de mousse, etc. Et puis surtout, de ne pas être dans une accumulation de quelque chose qui sera jeté, qui ne dure qu'une journée, mais quelque chose qui ensuite va être recyclable, va retourner à la terre. On fait des petits bombes seed après de la robe de mariée. On peut faire ça. Mais il y a aussi des choses très, très sérieuses. Il y a comment empêcher une expulsion dans un avion. C'est-à-dire que voilà, si on se retrouve avec cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire précisément dans le cadre de la légalité, comment on alerte les autres passagers, etc. Et ça, c'est des choses que moi, j'ai pu lire aussi dans des éditions alternatives. Le Passager clandestin, ils ont édité toute une série de petits livres comme ça, très concrets, sur la sortie du nucléaire, par exemple. Ça fait partie des choses, mais aussi sur les sans-papiers. Ils vont très loin, donc au-delà des mobilisations qu'on connaît classiquement, voilà, jusqu'à la situation extrême de pouvoir empêcher une expulsion. Et vraiment, c'est quelqu'un que vous devez connaître, qui a du passer dans le coin, qui s'appelle Xavier Renou, qui travaille avec les désobéissants depuis longtemps. Et lui, c'est un type, on va dire, qui a fait Sciences Po, mais qui a beaucoup aidé à un moment dans l'activisme, à donner des coachings médias, des coachings juridiques, et à dire, voilà comment ça peut se passer, comment vous pouvez agir sans être en conflit avec les forces de l'ordre, et en allant au bout du processus. Et puis voilà, c'est des histoires de jouer sur le temps, etc. Mais c'est très précis, ça évite de faire des erreurs. Et alors, non, mais c'est génial. Moi, j'adore, j'ai envie de le lire. On a tous envie de le lire. Ouais, oui. Pique-niquer dans un supermarché, pisser pour la planète, rallumer les étoiles. Enfin, en même temps, c'est assez poétique. Alors, hein. Il y a des belles choses. Si je peux prendre les trois, bon, pique-niquer dans un supermarché, non, mais il y a un truc aussi qui s'est organisé à un moment qui s'appelait le Parking Day. C'était dire, si vous avez une place de parking, vous payez votre location à la ville, en fait, de ces centimètres carrés. Mais pourquoi l'utiliser pour une voiture ? Pourquoi pas installer un banc, faire une fête, amener un peu de sable, etc. Donc, on utilisait cet espace locatif pour autre chose. Et là, on allait jusqu'à déplacer aussi le pique-nique dans le supermarché. Qu'est-ce qu'il y avait aussi ? Pisser sous la douche, c'est tout petit comme action, mais c'est vrai que c'est encouragé par une ONG brésilienne qui a, juste en volumétrique... Bah, on économise l'eau, ouais. On économise l'eau, et donc dans l'idée de se laver à plusieurs, il y avait ça aussi. Bien sûr. Et pour ce qui est de rallumer les étoiles, c'est des associations qui travaillent sur ce qu'ils appellent la pollution lumineuse. On va dire que lorsque vous baladez la nuit, il y a dans les enseignes beaucoup de néons qui restent allumés. Ça a été aussi rejoint par le clan des néons, etc. Et c'était l'idée qu'ils voulaient voir le ciel. Revoir le ciel, revoir les étoiles et stopper un petit peu, sans les éradiquer totalement, la course au néon, déjà parce qu'il y a une déperdition énergétique évidente, et d'autres parce que ça empêche de voir les belles étoiles. C'est une repoétisation du quotidien en même temps qu'un vrai vademécum pour agir chacun à son endroit dans les limites de la légalité, pour changer les choses chacun à son échelle. Voilà, avec cette idée... que c'était dans le réel. C'est pas un livre où il y a beaucoup d'actions virtuelles, sachant qu'on peut évidemment avoir énormément d'actions en ligne. Vous avez vu les hackers, ils ont repris récemment une figure de Lovecraft, derrière laquelle ils se cachent aussi pour faire des canulars. Enfin, il y a ce qu'on appelle les white hats, les black hats, donc ceux qui combattent un peu la justice, ceux qui sont plus dans l'ombre. Vous connaissez tout ce système-là, mais moi, ce que je voulais, c'était faire un livre qui parle vraiment d'un truc réel. Et on a entendu sur Nuit Debout, que plein de gens qui avaient des expériences plutôt virtuelles jusque-là, on va dire, je sais pas, des digital natives, des gens qui ont entre 15 et 20 ans, quand ils viennent ici, Place de la République, ils disent « Ah non, mais en fait, c'est Internet en vrai !» Et voilà, moi, j'aimais bien cette idée que ça se passe dans le réel. Et alors, Nuit Debout, Mathilde, t'en penses quoi ? Oh là là, mais c'est une question... C'est vaste ! C'est vaste, Nuit Debout ! Moi, je vois juste que... dans l'activisme et la contestation que je suis, donc j'ai commencé là-dedans, moi, dans le journalisme au départ. D'ailleurs, je m'étais intéressée aux contestataires zéro, c'est-à-dire ceux qui faisaient des trucs vraiment qui servaient à rien, mais on appelle ça la rébellion molle, ça nous fait rire, quoi. Et on est rentré en rigolant, en fait. J'étais dans une revue qui s'appelait Blast, et puis sérieusement, après, j'ai découvert le renouveau de l'activisme, les rhizomes, tout un tas d'organisations. Et ensuite, moi, quand j'ai vu un petit essoufflement, je me suis dit, j'ai l'impression que ça se refait pas, quoi. Ces actions collectives, je sais pas, ça se recoordonnait pas forcément. Et là, c'est la première fois que je revois, on va dire, une contestation pacifique, non violente, travailleuse, motivée. Après, il y a les débordements que les gens constatent, etc. Mais je trouve que dans l'idée de la contestation, de se réorganiser, de refaire un truc où les gens se croisent, C'est déjà un bon point de départ. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais que ça réexiste, ça, personne ne sait. C'est ça. Ça, vraiment, tout le monde s'interroge, personne ne sait ce que ça va donner. Mais est-ce que c'est vraiment important de savoir ce que ça va donner, en fait? C'est-à-dire qu'il y a les rageux qui tout de suite voudront juger à l'instant T de la qualité ou non, effectivement, de la proposition. Effectivement, moi je dirais que dans l'activisme, j'ai vu beaucoup de choses qui ont valu par l'expérience. C'est un peu à la Kerouac, on va dire. C'est une philosophie qui tient plus compte de la route que du point B qui c'est atteint. Le chemin qui voilà, passe, donc dans cet esprit, voilà, chemin et un peu beat generation dont moi je viens par Nova. J'aime bien cette idée que dans l'expérience et dans la route, de toute façon, il y a peut-être eu l'essentiel. Oui, ouais, l'aboutissement, c'est pas forcément important de savoir où on va, ce qui compte c'est qu'on oui, c'est ce qu'on apprend en cheminant. En tout cas que la parole politique se relibère et qu'elle sorte d'un confinement parfois qui peut être un peu étouffant. On parle parfois d'une politique parole politique atone parce que par accumulation de petites phrases, par communication, par ou la rhétorique de la langue de bois simplement, voilà, enfin, le fait par qu'on a l'impression qu'on sait plus ce que ça raconte. Oui, voilà, exactement. Enfin, il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi. Il y a un philosophe qui s'appelle Bertrand Meu qui travaille sur la philosophie de l'oxymore. Donc, tous ces mots, on a découvert avec le collège les dommages collatéraux. C'était un des premiers mots comme ça de la philosophie de l'oxymore. Donc, voilà, la flexicurité aussi, ça peut un petit peu en faire partie. Donc, c'est vrai que dans la langue politique, il peut y avoir de l'oxymore, des réalités irréconciliables. Effectivement, à un moment, ce qu'il montre lui dans son livre sur la philosophie de l'oxymore, c'est que ça rend fou. Donc c'est bien, effectivement, d'aller libérer la parole et de ne pas rester enfermé, soit dans un truc atone, communicationnel ou parfois oxymorique, dangereux. Et puis un endroit thérapeutique aussi. Il y a pas mal de voilà, ça aide, oui, à faire sortir la parole. J'ai plein de gens qui n'arrivent pas à la faire sortir au quotidien aussi. Moi, j'avais vécu une expérience qui ressemble un tout petit peu à Nuit debout. C'était quand j'étais allée dans un parc à Grenoble, le parc Paul Mistral. Et en fait, ils avaient un club de foot, mais vraiment super mauvais, quoi. Les mecs n'arrivaient pas à... Enfin, je sais plus, ils étaient deuxième, troisième division, ils plafonnaient. Et le maire voulait quand même absolument construire un stade, mais genre génial, super grand et tout, pour ce tout petit club. Ouais. Et comme c'est dans une cuvette Grenoble, ils ont voulu absolument défendre leurs arbres. Donc ils se sont installés à 15 mètres de haut, à 20 mètres de haut, dans des cabanes, il y avait des tyroliennes, etc. Et ça a duré, je veux dire, des semaines et des semaines. Et moi, je les ai suivis, je faisais un reportage pour Nova et pour le magazine qui existait à l'époque. Et donc, je vivais dans leur organisation, etc. J'ai vu les bulldozers arriver. J'ai vu le truc à un moment, en tout cas, rogner, détruire. Je les ai vus perdre, on va dire, une partie du combat. Et c'est vrai qu'après, c'est quand même un écologiste qui a gagné la mairie de Grenoble contre le maire PS qui avait voulu la construction de ce stade. Donc je me dis que, bon, personne ne savait ce qu'ils allaient faire, ces gens, par Paul Mistral. Il y a peut-être une parole à un moment qui s'est libérée, des échanges qui ont eu lieu avec les gens dans la ville, avec les citoyens, qui a peut-être porté ses fruits, en tout cas. Dans une élection, ça s'est mesuré. Mais il n'y a pas que le parc Paul Mistral, mais en tout cas, c'était un des signaux. Tout à fait. Bah écoute, comment il y a les gens qui arrivent, qui viennent, il y a tes livres qui sont là, tu en as amené beaucoup, tu es venu avec plein de livres, donc les gens peuvent les feuilleter, les prendre, j'imagine, ils peuvent les prendre, il faut leur dire, vous pouvez les prendre. Je les donne, attention, c'est du 2010, hein, donc bon voilà. Ouais, mais c'est toujours d'actualité quand même. Ça s'est écoulé, mais ça reste d'actualité de pisser sous la douche, bah, évidemment. Carrément, vous pouvez toujours pisser sous la douche, vous pouvez toujours pratiquer l'hebdo-végétarisme, vous pouvez toujours empêcher l'expulsion... Vous dématérialisez les cadeaux. Enfin voilà, il y a du boulot pour tout le monde, tous les jours, et en rigolant, parce que le ton de ton bouquin est quand même assez... Ouais, c'est assez ludique. Bah, c'est un peu comme toi, en fait, non? Non, je sais pas, j'espère. Ou Radio Debout. Bah, des fois, on est sérieux. Enfin, des fois, on est un peu, moi, est un peu tout. Moi, je propose aussi Nu Debout. Ouais. Alors, Nu Debout, il faut le dire en articulant très très bien pour pas qu'on confonde et pour qu'on comprenne bien le programme. Donc, Nu Debout, c'est un sous-mouvement que je propose, auquel j'auto-adhère pour l'instant. Vous pouvez me rejoindre, qui nous libérerait peut-être d'un certain nombre de contraintes de l'apparence. Ou des marques, ou de la consommation. Qui peut nous amener à nous rapprocher, effectivement, à vivre un moment de pur échange, effectivement, sans lien marchand. On peut réfléchir à Nu Debout. Et c'est un rendez-vous sur la place. C'est bientôt l'été, donc ce sera possible prochainement. Ah mais évidemment. Bah oui, mais ce soir. Oui, oui. Allons-y. Bon ben bah, alors bon, voilà, le rendez-vous est pris pour Nu Debout sur Radio Debout. Voilà. Et on va passer à l'AG. À l'AG. Merci Mathilde. Merci à vous. Radio Debout. Radio Debout. Radio Debout. Radio Debout. Radio Debout. Radio Debout. Radio Debout. Radio Debout. Radio Debout. Merci. Maintenant, c'est au tour de Marco. Non, c'est Marco. Marco, il est là. Alors, deux sujets pour parler de démocratie. Il faudrait au moins 10 minutes, mais on va essayer de faire vite. Donc, commencer par quoi ? Il y a l'histoire de la République qui est intéressante à avoir en tête. Bon, en allant très rapidement, 1794, 9 thermidors, Robespierre s'est fait couper la tête. C'était le vrai début de la démocratie bourgeoise, parce que bon, Robespierre était le seul à avoir réellement le soutien du peuple, en masse, on va dire. C'est pour ça qu'il est resté jusque-là. Bon, depuis, il y a eu de différents épisodes, 1871, quelques dizaines de milliers de morts réprimées par la République. Celle de Adolphe Thiers, qui est dans toutes les rues de France. Voilà, donc là, c'était une période noire. Après 1880-1910, il y a eu une amélioration avec Jaurès, la laïcité, enfin, séparation de l'Église et de l'État. Il y avait une dynamique plutôt favorable. Depuis, il me semble que bon, la dynamique a commencé à sérieusement gripper. Moi, je parle... Bon. Donc, en gros, on a une République qui est de toute façon pensée pour les élites dès le départ. D'accord. Ensuite, il y a la question de l'intention. L'intention de nos élites, on peut la lire. Bon, Sarkozy, c'est pas la peine d'en parler, c'est une caricature totale. Hollande, dès 2005, on pouvait voir assez clairement sa conception de la démocratie quand il a refusé toute possibilité de débat sur la question de la Constitution européenne. Il fallait l'entendre sur France Inter, c'était absolument flagrant. Donc la démocratie n'intéresse pas nos dirigeants, en tout cas pas François Hollande, c'est clair et net. Donc la simple question de l'intention est un gros, gros, gros problème. Derrière cette intention, il peut y avoir l'intention de faire une éducation populaire, une éducation qui éduque les gens à l'esprit critique. Il est clair qu'il n'y a pas cette intention-là, ni même l'intention d'écrire une histoire, la vraie histoire de France. C'est-à-dire que dans les livres, c'est même pas la peine. Donc le problème, c'est qu'on part quand même de... On a un droit d'expression dans la rue, mais qui s'arrête déjà au droit de manifester. Donc elle commence à être vraiment, vraiment attaquée de toutes parts, quoi. Après, il y a la question de la pensée unique, qui, elle, est globale. Donc la pensée unique, c'est quoi ? Hier, j'étais à une conférence, quelqu'un qui commence à prendre la parole, à dire que la concurrence, c'est la seule solution. Donc la concurrence entre entreprises et bientôt qui sera entre chaque travailleur, où qu'il soit dans le monde, hein, avec la loi travail, c'est ça. Hein. Donc sur cette question-là, il disait oui, donc la concurrence est le seul moyen de faire de l'innovation technologique. Laquelle innovation technologique va évidemment nous sauver des problèmes environnementaux. Ça, c'est ce qu'on appelle le mythe du progrès. Je n'ai pas le temps de vous le développer complètement, mais on est dans le mythe du progrès. On est complètement lobotomisé à ce niveau-là. Et déjà, à 40 balais, on n'a pas eu le temps de tout déconstruire, de tout ce qu'on nous a mis dans le cerveau. Donc il y a un gros problème, au sens aussi où on est l'hégémonie occidentale qui est dans sa propre philosophie du progrès et on est très très éloigné des autres pôles qui nous feraient réfléchir différemment. J'essaierai de conclure en citant Karl Marx. Karl Marx en tant que philosophe, plus que je ne suis pas un théoricien marxien du tout, il disait « un peuple qui opprime ne saurait être libre ». Alors, la France, en termes d'oppression, sans parler de l'esclavage, aujourd'hui même, tout un tas, regardez l'Afrique francophone, il y a au moins 4 ou 5 dictateurs qui ont été installés par les Français, avec des assassinats de Thomas Sankara, etc. Le seul politicien intègre que je connaisse, Thomas Sankara au Burkina Faso, Patrice Lumumba, etc. Là, Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On leur impose un modèle économique à la Monsanto où ils vont crever la dalle alors que c'est déjà la sécheresse chez eux. Et ça va créer un chaos monstrueux. Et ils vont pouvoir justifier de leur régression démocratique par la question du terrorisme qui va venir bientôt, enfin, qui vient déjà de l'Afrique, bon, du Moyen-Orient, etc. Mais donc, nous sommes un peuple qui opprimons à travers ces politiques-là. Soyons bien clairs là-dessus, car nous avons tous notre part de responsabilité là-dedans. C'est une question absolument centrale si on veut parler de démocratie. Nous opprimons les peuples encore aujourd'hui et nous vivons dans du béton dans lequel le sang de millions de gens a été coulé. Ok ? Le sang mêlé. Qu'on parle du sang mêlé de 1871 où les Parisiens ont créé la commune, ou des Africains, ou des Maghrébins, et j'en passe. Et cette question-là, si on ne la traite pas de fond, c'est-à-dire en enlevant le pouvoir qu'ont ces élites nous-mêmes, car il n'y a que le peuple en masse qui pourra leur enlever ce pouvoir-là. Il n'y a que là que l'on sera réellement libre. C'est tout ce que j'ai à dire. Radio Debout, si tu ne sais pas pourquoi tu l'écoutes, on sait pourquoi on le fait. Déranger un tout petit instant, je nous présente. Lui, c'est un participant à Radio Debout. Ouais. Et moi, en fait, je suis étudiant. Je participe à un collectif qui essaie de comprendre qui vient sur la place. Parce qu'on en a marre que les médias balancent des conneries sans savoir qui est sur la place. Donc, pour ça, on fait une petite étude en fait avec un questionnaire qui dure que quelques minutes. Ouais, bah vas-y. Et donc, je voulais savoir si tu pouvais me répondre. Ouais, bah vas-y. Merci, c'est sympa. C'est anonyme pour toi et pour moi, bien entendu. T'inquiète, il n'y a pas de problème. Quand es-tu venu pour la première fois sur la place ? Ça a commencé un jeudi, le mardi d'après. Et après, tu es revenu dans la première quinzaine d'avril ? Ouais, je sais pas, je dirais que je suis passé 3 ou 4 fois depuis. D'accord. Donc pendant tout le mois d'avril, tu passais régulièrement. Ouais. D'accord. La semaine dernière, par exemple, est-ce que tu es venue ? Ouais, je suis venue. Alors, est-ce que c'était le mardi ou le mercredi soir ? Je sais plus. Un soir. Je sais plus quel soir c'était. Je suis passée en rentrant du boulot. As-tu déjà participé à l'AG ? De façon passive, oui. Enfin, genre en tant que. Enfin... Ça compte. As-tu déjà participé à une commission sur la place ? Même réponse. D'accord, en écoutant, quoi. Ouais. À quel type de commission ? Je suis allée voir la commission prison, j'étais à la commission grève générale. La dernière fois que je suis passée, il y avait un truc intéressant sur les maladies psychiatriques. Voilà. Ok, ouais. As-tu déjà mis de l'argent dans une cagnotte ici, non, sur la place ? As-tu déjà amené du matériel ? Non. Moi non plus. As-tu déjà été sur la place après minuit ? Ouais, la première fois que je suis venue. D'accord, tu restais très tard le soir, ouais, alors. D'accord. Participes-tu au mouvement sur Internet ? Ouais, enfin je suis quoi. Tu suis avec des posts Facebook ou tu lis sur Facebook ? Sur Twitter principalement. Ah, sur Twitter en fait, pas sur Facebook, ouais. Enfin, je suis aussi la page Facebook, mais je suis plus sur Twitter que sur Facebook. D'accord. Tu écoutes Radio Debout ? Non. Et TV Debout ? Non plus. Non plus. As-tu une autre forme de participation au mouvement ? As-tu participé à certaines actions comme contre l'Assemblée nationale ou... Non. Une manif sauvage. Non. D'accord. Pierre, vous arpentez la place de la République à longueur de soirée. Vous avez des feuilles, vous êtes armé d'un stylo et vous abordez les passants. Que faites-vous ? Eh bien, en fait, on fait une petite étude pour essayer de comprendre qui est sur la place. Et avant de parler de cette étude, je vais juste parler à titre individuel, parce qu'en fait, on fait ça dans un collectif, mais à titre individuel, je voudrais saluer le travail qui est fait par Radio Debout. Je trouve ça un travail fantastique, donc il y a des techniciens qui travaillent là-dessus. Donc je trouve ça un travail remarquable et je vous écoute quand je ne suis pas sur Paris. Alors sur l'étude, en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est un petit groupe d'étudiants, en fait, et d'enseignants-chercheurs. Et en fait, on participait au mouvement depuis le 31 mars. Et puis on suivait le mouvement comme ça depuis une semaine. Et à un moment donné, on s'est dit, qui est sur cette place ? C'est-à-dire, on n'arrivait pas tellement à dire qui était sur cette place. Et on était vraiment atterré par ce qu'on pouvait lire dans les médias. Par exemple, dans le Figaro, où, par exemple, le Figaro a fait paraître un article qui était très critique du mouvement en parlant de crépuscule des bobos, si je me souviens bien. Donc nous, ça nous rendait vraiment malades. Donc on s'est dit, peut-être que c'est important d'essayer de créer des données qui essaient d'objectiver ou essayer de montrer voilà, qui est concrètement sur la place. Alors Stéphane, vous êtes avec Pierre, vous travaillez avec lui, vous êtes qui ? Bonsoir, merci pour l'invitation. Moi, je suis Stéphane, je travaille à l'École des hautes études en sciences sociales et Pierre est venu me chercher en fait pour dire on va monter une petite équipe pour faire une enquête sur la place. On a des gens un peu motivés et on va tester un peu de sciences sociales, c'est-à-dire c'est une bonne occasion. Et puis très vite, on a vu dans le milieu des collègues notamment étaient très intéressés en fait sur le mouvement et on anticipait qu'il y allait avoir très vite quand même des discours qui allaient présenter ce qu'était Nuit Debout. En étant passé une fois ou deux, et puis on disait bon, ils vont pas nécessairement faire un travail un peu méthodique. Et voilà, moi j'aime bien ça, un peu le travail méthodique. Donc j'ai dit ok, on y va, Pierre. Donc on a mobilisé un peu nos collègues, nos copains, des amis, etc. Et puis on a fait cette enquête là qui nous avec beaucoup d'énergie le soir en sortant du travail. Ah, on est motivé. Ouais. Alors une enquête, c'est des chiffres. Par exemple, jusqu'à aujourd'hui, vous avez fait combien d'interviews, combien d'enquêtes ? Alors jusqu'à présent, on a rencontré 600 personnes sur la place. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en fait, sur les 600 personnes qu'on a rencontrées, il n'y en a pas une qu'on a rencontrée deux fois. Alors, on est venu 7 fois dans la soirée, etc. Donc ce soir, on est venu spécialement pour se dire, bon, finalement, on va essayer de compter maintenant toutes les personnes qu'il y a sur la place. Donc on ne peut pas vous donner de chiffres, mais on a passé là toute la soirée à compter sur les deux parties de la place. Ce que je peux vous dire, c'est que sur la partie qui est, on va dire, centrale, là, il y a 500 personnes environ. On vous donnera les chiffres plus précis, mais voilà. En comptant, on compte, on a énormément insisté aussi sur le fait que la place, elle est un peu extensive, qu'il y a quelque chose aussi de l'autre côté de la statue, que ça fait partie aussi du mouvement, ou en tout cas du rassemblement. Alors, si on vous a rencontré, c'est aussi parce qu'il y a eu une dépêche AFP qui est parue il y a 2-3 jours, où tous ces résultats ont commencé à dresser un portrait robot des personnes qui fréquentent la place. Alors Pierre, peut-être vous avez quelques mots, ou Stéphane ? Oui, d'abord sur le titre, hein, le portrait robot, c'est pas nous qui indiquons ça, un portrait robot, on retrouve ça dans les commissariats et c'est pas du tout la démarche. Non, c'est, on a voulu dire simplement qu'on commençait à avoir des chiffres, des premiers chiffres, hein, c'est même pas la moitié du dépouillement du questionnaire, qui donnait des éclairages assez différents de ce qu'on pouvait lire. Parce que évidemment beaucoup de jugements sur ce qui a été la place étaient liés au fait de qui sont les gens sur la place. Parce que c'est pas la même chose si on dit, par exemple, il n'y a que des punks à chiens enivrés, on ne tire pas la même leçon que si on dit il n'y a que des bobos. Voilà, donc on voulait donner un peu des proportions en fait. Alors vous avez peut-être déjà quelques exemples, enfin quelques chiffres à donner ? Ouais, du coup on a quelques chiffres. Je pense que la première donnée importante c'est de rappeler par exemple sur l'âge. On a entendu énormément de choses hein, sur l'âge, mais principalement que la place ça serait en fait des jeunes, des très jeunes, hein, donc des vingtenaires on va dire, ou 18-22 ans quoi. Les gens qui sortent du lycée, qui sont un peu perdus et tout ça. Bon, en fait c'est pas du tout ce qu'on trouve. Ce qu'on trouve c'est que c'est vraiment les trentenaires, les 30-35 ans sont massivement présents sur la place. Et d'autre part, les plus âgés, hein, les plus de 50 ans, ne sont pas du tout absents de la place. Hein. Au contraire, on en trouve, je crois, à hauteur de 20% de tête. Donc sur l'âge, c'est important de rappeler voilà, qu'il y a un panel d'âge assez différent. Autre chose, par exemple, sur l'âge, c'est de rappeler que ça varie beaucoup au cours de la soirée. C'est-à-dire qu'en fait, on observe que cet âge fluctue en fait, dans nos données et que ce n'est pas un âge qui est stable. Donc on ne peut pas dire voilà, c'est un groupe d'âge de 20 ans, par exemple. Alors, et parmi les surprises, alors en lisant cette dépêche, par exemple, on distingue trois formes de présence aussi en fonction de l'avancement dans la soirée. On distingue en fait trois formes de présence. Donc ça, c'était vraiment passionnant parce qu'en fait, on demandait aux gens sur les 10 derniers jours, voilà, quand est-ce que vous êtes venus. Enfin, en fait, on a passé beaucoup de questionnaires hein, début avril, et donc depuis le 31 mars, on était capable de reconstituer qui était sur la place à quel moment. Donc ça, c'était vraiment passionnant parce qu'on peut identifier en fait effectivement trois classes. Donc la première classe, c'est une classe très importante et qui reste très importante au cours du temps, c'est les gens qui viennent pour la première fois sur la place. Donc ça, ça représente, alors ça fluctue selon les soirées, au début c'était de l'ordre de 40%, là ça a baissé un petit peu, mais ils sont encore très importants à venir pour la première fois sur la place. D'autre part, le deuxième groupe, c'est des groupes qui viennent de manière occasionnelle, donc tous les 2-3 jours par exemple, mais qui reviennent. C'est très important, je crois, d'insister sur le fait qu'ils ne viennent pas qu'une seule fois, mais ils reviennent plusieurs fois, une fois par semaine ou 2-3 fois par semaine. Et enfin, il y a un groupe aussi qui nous semble assez clé, qui représente 15% à peu près de nos effectifs, qui est ce qu'on appelle les permanents, c'est-à-dire les gens qui sont là tous les jours et qui nous disent vraiment être là, voilà, qui passaient tout leur soir à République. Stéphane, quelque chose à rajouter, quelque chose qui vous a surpris dans ces enquêtes? Il y a deux choses qui nous ont surpris, c'est qu'on a commencé à compter les présences et puis le fait de revenir, ces flux, etc. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on ne voulait pas donner quelque chose qui était en surplomb du mouvement, on voulait donner quelque chose en train de se faire. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, ça variait beaucoup, etc. Et les chiffres que vient de donner, par exemple, Pierre, expliquent très bien pourquoi on a vu 600 personnes et jamais les mêmes, en fait. Alors même qu'on est très proche de l'effectif des gens qu'il y a sur la place. Après, il y a quelque chose qui, moi, m'a beaucoup intéressé, c'est qu'on a posé la question aux gens qu'on a rencontrés de savoir quel était, où ils habitaient ou quel était leur métro le plus proche. Et on a commencé à tracer une carte qui, dès les premiers moments, en fait, montrait que, déjà, c'était pas que des Parisiens. Et donc ça, c'était important, qu'il y avait le 93, si on veut, mais pas le 93 symbolique, c'est-à-dire que c'est Montreuil, Saint-Denis, etc. Il y avait cette bordure-là. Et puis sur Paris, on pensait qu'il y avait une sociologie aussi qui était particulière, etc. Et cette sociologie, elle est très, très intéressante parce qu'en fait, elle montre que c'est un Est parisien qui est bien caractérisé à la fois, pas simplement politiquement, mais aussi par des modes de vie, par des types d'habitat, etc. Et on voit très bien, la carte est très, très, très précise. Sur le 12e, par exemple, c'est vrai qu'on a moins de retraités sur la place et le 12e, il est coupé en deux et dans la carte, ça se voit très bien. Par rapport à la dépêche du Figaro, c'est ça qui nous a décidé à faire une carte, mais sans doute écrivait-il trop vite. Il disait que les gens, c'était des gens des quartiers centraux pour asseoir l'idée que c'était des bobos, etc. Bon, au centre de Paris, la carte est vide. Il faut bien le comprendre. Voilà, et moi je compléterai ça avec deux éléments, c'est tout à fait juste ce que dit Stéphane, mais il y a deux éléments qui nous ont frappés, c'est d'abord qu'il y a 10% des gens qui ne viennent pas du tout de la région parisienne. Donc moi j'ai fait des entretiens avec des gens qui venaient par exemple du sud de la France, hein, de Nice, de Grenoble par exemple, et qui venaient passer quelques jours et voir ce qui se passait à République. Donc j'étais très impressionné par cette démarche-là. Et d'autre part, le chiffre marquant à mon sens, c'est qu'il y a 36% des gens qui viennent de banlieue. Donc on entend beaucoup de choses sur les banlieues depuis longtemps en France, évidemment. Je crois qu'il faut rappeler que les banlieues sont quand même présentes, là, avec 36% sur la place. Donc il faudrait regarder la distribution à l'Île-de-France, il y a un petit travail technique à faire, mais c'est important de signaler qu'il y a des gens de banlieue et que les banlieues sont là. Alors il y a donc des gens qui viennent de province sur Paris. Est-ce que ce travail que vous avez commencé à entreprendre à la place de la République à Paris est quelque chose qui va aussi se faire ou qui se fait déjà en province? Alors ça se fait en province, donc on a Manuel, donc un ami qui fait le même travail à Nice. Donc là, le suivi, c'est plutôt de l'exhaustif, puisqu'ils sont une cinquantaine, ça varie, etc. Et puis, avec Pierre et d'autres, on a commencé, parce que quand on a vu la carte, on s'est dit qu'il fallait quand même un peu bouger. Donc on a un peu arpenté la région parisienne pour aller voir des Nuits Debout. On est allé à Ivry, à Montreuil, aussi dans d'autres Nuits Debout qui sont à l'intérieur de Paris. Moi, je suis allé voir à 7. Voilà. Et c'est vrai que... ça mériterait vraiment, l'enquête mériterait vraiment d'être étendue puisqu'on y voit vraiment des choses qui sont quand même différentes, très différentes. Donc là, il faut dire évidemment que s'il y a des gens qui nous entendent, c'est très important à l'échelle de la France, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Je vais donner une adresse mail, qu'ils n'hésitent pas vraiment à nous signaler des initiatives permettant de décrire en fait ce qui se passe. C'est vraiment notre démarche. Donc, nous, on est du mouvement, mais on cherche à décrire ce qui se passe. Donc je vais donner juste l'adresse mail si vous le permettez. C'est sciences sociales debout. @gmail.com, donc sciences sociales, donc sciences au pluriel, et puis social, donc il n'y a pas deux S entre les deux, sciences sociales, tout attaché, sciences sociales debout, voilà, debout comme d'habitude, @gmail.com. Voilà, alors, juste pour nous donner envie d'aller un peu et peut-être de lire, vous avez aussi des choses qui sont diffusées, qui peuvent être lues déjà? Alors en fait, pour ça, on a beaucoup réfléchi, nous, à la stratégie de communication qu'on devait avoir vis-à-vis de nos résultats. Donc je crois que le premier point, un point important, c'est de dire que c'est énormément de travail de saisir les questionnaires. Donc on fait au plus vite, mais voilà, on y passe nos soirées, mais c'est assez long. Mais on a quand même écrit quelque chose. Donc on a fait un communiqué de presse AFP, qui en fait, c'est la cellule presse de Nuit Debout qui nous a incité à faire ça. Donc nous, on travaille main dans la main avec eux et on suit un petit peu ce qu'ils nous disent, puisqu'on n'est pas très expérimenté dans les médias, mais eux, oui. Donc voilà, il y a un communiqué de presse. Il y a également un document qu'on va mettre en ligne là, dans les jours qui viennent, qui fait une dizaine de pages, qui explique la méthodologie, la méthode qu'on a employée et qui explique nos résultats un petit peu. Et enfin, il y a un article sans doute qu'on va essayer de faire sortir dans un quotidien national pour essayer de présenter un peu nos résultats et casser les préjugés sur le mouvement. Alors Stéphane, pour attiser la curiosité et puis donc donner envie d'aller voir ces documents, sur justement cette différence entre les Nuits Debouteurs de province et ceux qui participent à Nuit Debout à Paris, qu'est-ce que vous pouvez déjà nous donner? Bah pour nous, la grosse différence, c'est que quand on va dans des Nuits Debout, il y a un peu moins de monde, etc. Donc on est plus impliqué dedans, on rencontre plus facilement tous les gens, on peut tous les voir un par un. Donc comme il dit Pierre, on fait de l'exhaustif d'une certaine façon. On passe pas de questionnaire par contre, parce que ce serait ridicule en fait à ce niveau là et qu'est-ce qu'on voit? Et ben en fait on voit des agencements assez différents. Moi j'ai l'impression mais c'est que en fait ce qui s'est noué autour du front de gauche dans les années 2009, etc., là on a des gens qui sont sur cette matrice là sans qu'on sache exactement en fait quel est vraiment le degré de militantisme, etc. Mais par contre, c'est assez frappant, puisque la différence entre ceux qui organisent et ceux qui participent, elle est moins nette d'une certaine façon. Et moi, je vais juste compléter ça en disant que moi, je suis allé dans beaucoup, j'en ai fait 7 ou 8, hein, et en fait, je suis très impressionné comme ça dépend de ce qu'on appelle le tissu associatif. Donc ça me fait beaucoup réfléchir sur la France contemporaine, sur quelle place on accorde aux associations locales, qui en fait sont très importantes dans ces moments-là. Il y a des réseaux associatifs, je pense qu'ils font un travail remarquable, plus souvent bénévole. Et donc ça me paraît très important à signaler. En fait, c'est ça qui structure un petit peu les Nuits Debout locales. Ben merci Stéphane, merci Pierre. Vous revenez nous voir dans quelques temps quand tout ça aura donné une meilleure compréhension de ce qui se passe en ce moment. C'est en cours. Et justement, nous retournons vers l'AG. Merci beaucoup. Merci. De la radio de la place, République Radio de Boum, Radio de Boum. Vous écoutez depuis le 34 mars l'émission de la radio de la place, République Radio de Boum. De converger notre façon de faire avec la vôtre. One of the big problems we have in London is with housing. And many people struggle to live in London at all. Many are evicted or pushed out by high rent. And as a consequence, housing is a very big issue for people in London. À Londres, le plus grand problème qu'on a, c'est celui du logement. Les loyers, ils sont très chers et les gens, ils sont souvent expulsés. Donc. What I wanted to tell you about this evening was that many people are now starting to do something about their situation in London, and there is a rent strike of over 1,000 students against the rent of British universities in London. Donc, plus concrètement, ce qui se passe maintenant à Londres, c'est qu'on essaye de résoudre ce problème et là, il y a plus de 1000 étudiants qui sont en grève des loyers, c'est-à-dire qu'ils ne payent pas leur loyer, pour les logements de l'université, en fait, britannique. The rent strike works because people do not pay their rent and they say we will no longer participate in a situation that exploits us, and by doing so, they assert power. And when in London, many people are renters, the ability to assert this power is very valuable to us. What is the last thing you said? Very valuable to us, like the ability to push that power. Okay. Donc, ils ont décidé d'arrêter de payer leur loyer parce qu'ils ne veulent plus participer à un système qui les exploite. Et ils instaurent ainsi un rapport de force qui est très important pour la suite aussi. With the student rent strikes, we hope to show that we can win as renters, but also against the system. So much of the British economy is dependent upon rents to maintain the financial system, and this is why we think that the system is vulnerable to rent strikes. Avec la grève des loyers, on essaye en fait de toucher le système financier en entier, qui repose beaucoup sur sur le système des loyers et du fait qu'ils soient élevés et tout ça. We hope that the student rent strike is just the beginning of a much wider movement for housing in London. And we hope that that wider movement in London will have every solidarity and connection with what is happening in Paris to strive for a better and fairer society for us all. They understood you. Ok, vous avez compris parce que j'ai un peu oublié ce qu'il a dit. Non, c'est bon? Non? Oui. Qui a compris? Ok. Alors, oui, c'est ça. Il espère que cette grève des loyers des étudiants, ce n'est qu'un début, le début d'un mouvement plus large à Londres de grève et plus large. Plus en général, en toute l'Europe et à Paris, notamment. Ah oui, et qu'ils attendent d'avoir notre solidarité de la place. The general strike will shut the factories, but the rent strike will shut the cities. La grève générale fermera les usines et la grève des loyers nous ouvrira la ville. Merci à eux, c'était un super beau message. Donc, juste un petit rappel encore une fois, il y a uniquement 3 boîtes de dons qui concernent Nuit Debout. Elles sont à l'accueil, à la cantine et à la logistique. Donc, toutes les autres, et à l'infirmerie aussi, il y en a une. Et au camp des SDF. On est quel jour ? On est 74. 74 mars, sur la place de la République à Paris. Et on a écouté tout à l'heure des personnes du mouvement Nuit Debout qui essaient de savoir qui vient ici. Donc 36% de personnes viennent de banlieue. Et puis il y a pas mal d'Italiens ce soir sur la place. À côté de moi se tient Enzo Barnaba, qui est retraité de l'éducation nationale italienne, historien à 16 heures, qui discutait avec des Italiens il y a quelques instants. Ils venaient d'où ces Italiens, Enzo Barnaba? De la région de Naples. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ici? Eh bien, la fille qui était touriste, en fait, elle était venue rejoindre son copain qui fait un Erasmus. Ah, qui fait de l'arabe à Paris. Bon, non, c'est bizarre. Ils ne venaient pas faire la révolution. On va voir. Qu'est-ce qui se passe en Italie? En Italie, il y a une sorte... La jeunesse, qu'est-ce qu'elle fait? La jeunesse, elle ne se mobilise pas. Elle est assez abattue, disons. Ah bon? Oui, absolument. Pourquoi? Parce qu'on ne croit plus à la classe politique et notamment au gouvernement, mais on n'a pas d'alternative, on ne trouve pas d'alternative pour créer une politique autre que celle qu'on subit. Alors, vous, Enzo Barnaba, vous vous êtes engagé d'abord au Parti Socialiste Italien dans les années 60, vous avez 71 ans, vous êtes sicilien Tout à fait. De naissance, vous vous êtes vite engagé au Parti Communiste Italien. C'est vrai, j'ai pris ma carte en 67. En 67. Quel est votre sentiment aujourd'hui après près de 50 années de lutte? Ben, on se demande si ça valait la peine de s'engager. Parce que 50 ans après, il y a de quoi être déçu, oui, de ce qui s'est passé. C'est pas vrai que l'histoire est un long fleuve qui avance plus ou moins, de façon plus ou moins tranquille. Elle peut reculer. Et je trouve que, comme on le sait très bien, on a une génération, la mienne, qui ne laisse pas ses héritiers une situation meilleure que celle qu'elle a trouvée. C'est la première fois que ça se passe depuis quelques décennies ou quelques siècles peut-être. Donc il y a de quoi être déçu. Parti communiste italien qui s'est suicidé a laissé un vide. Il n'y a plus un parti de gauche en Italie digne de ce nom. Vous dites ça avec un peu d'amertume, on dirait. Beaucoup, oui. Beaucoup d'amertume. Vous vous sentez responsable? Non. J'ai subi les événements sur ma peau. Voilà. Je me demande, est-ce que ça valait la peine? Mais vous, vous êtes un peu embourgeoisé, vous-même. Oui. Bien sûr. Les choses ont évolué de cette façon et c'est triste. L'autre jour, enfin il y a quelques mois, je vous rencontrais à la frontière franco-italienne et vous me confiez avoir le sentiment d'être au soir de votre vie, à un moment où peut-être... Une longue soirée, j'espère. Oui, on l'espère tous, vous n'avez que 71 ans. Avec ce sentiment que le tumulte était de retour, que peut-être la nuit était de retour et que vous n'alliez pas pouvoir y prendre votre part. Oui, je me sens personnellement assez à l'écart de tout ça parce que j'ai des schémas qui ont vieilli peut-être, j'ai des difficultés à comprendre ce qui se passe réellement. Et donc ça pèse un peu cette situation. Mais c'est triste pour tous, hein, pour moi de façon particulière, mais peut-être je ne suis pas le seul. Les jeunes, on en a parlé tout à l'heure. Ils se sont, quand on est dans une protestation qui ne construit rien, quoi, qui est incapable de construire. C'est ce sentiment que vous avez quand vous observez la place de la République telle non, que vous là, l'avez fait ce soir ? Je commence à faire sa connaissance et j'espère que depuis Paris, comme il est arrivé souvent dans l'histoire, Europe puissent arriver des messages qui sont valables pour la France, mais aussi pour d'autres pays. Je le souhaite vivement. Parce que les schémas politiques traditionnels ne marchent plus et il faut inventer autre chose. Je souhaite vivement que les jeunes d'ici aient trouvé, soient en train de trouver une voie qui marche. Alors vous occupez un promontoire privilégié dans un petit village à 300 mètres de la frontière française, oui. Duquel vous avez pu observer les manifestations de Gênes en 2008, duquel vous avez pu observer les no-borders, évidemment, notamment ces derniers mois, qui ont été très actifs à la frontière franco-italienne. Quel regard vous portez sur cette jeunesse et sur sa façon de lutter ? Alors, Gênes, ça a été une grande défaite parce que le mouvement avait créé une plateforme très très vaste qui faisait peur au pouvoir, qui a réagi par la violence extrême, même par des systèmes de tortionnaires, et ça a marché. Ils ont tué le mouvement par la violence. Et ce qui est triste, c'est que l'autre jour, après que l'Italie ait été condamnée parce que la torture a été appliquée par les policiers italiens, les responsables des policiers sont toujours à leur place. C'est-à-dire que le gouvernement en place ne les a pas punis, même 10 ans ou 12 ans après, il aurait dû le faire. Ils sont toujours en place, ils font des carrières brillantes, des tortionnaires. Ça ne peut pas me plaire, bien entendu. Pour ce qui est des jeunes no-borders de la frontière qui s'occupaient donc des migrants, ben j'ai eu beaucoup de sympathie à leur égard parce que quand je faisais mon 68, j'avais une attitude analogue à la leur au point de vue psychologique, au point de vue politique, bien sûr que non, parce que les choses ont changé. C'est plus les mêmes problèmes, mais au niveau de la motivation personnelle, j'aurais bien voulu qu'ils soient mes enfants. Voilà. Donc j'ai une sympathie très forte, et je l'ai encore. Hein. Dimanche à Ventimiglia, il y a une manif. Si j'arrive à temps, je participerai pour des raisons de sympathie humaine. Alors on aborde le thème de l'immigration qui vous est cher, Enzo Barnaba. Vous êtes donc retraité de l'éducation nationale italienne, historien à vos heures, et vous êtes tombé un petit peu par votre destin sur cette thématique de l'immigration puisque vous êtes né en Sicile et que toute votre vie, vous vous êtes senti tel un étranger en Italie. Ben, pas toute ma vie, disons. Tel un immigré, en tout cas. Mais non, mais disons que oui, quand j'étais au lycée, comme la plupart des Italiens, j'avais une culture régionale qui primait sur la culture nationale. Et c'est, je dois dire, grâce à mon engagement dans le Parti communiste qui m'a beaucoup formé, que ma vision s'est ouverte. J'ai compris, en militant, que ce qui se passait à Trieste était aussi important pour moi que ce qui se passait à Palerme ou à Catane. Donc j'ai acquis une culture nationale et j'intégrai au Parti communiste qui m'a formé à ça, mais en même temps à l'Europe. Hein, mais très jeune, vous êtes confronté à cette problématique de l'immigration, puisque vous êtes fils de médecin dans un village du centre de la Sicile et vous voyez chaque dimanche sur le terrain de foot ou sur la place du village vos camarades qui partent, qui vont à Valenciennes, qui vont à Louvain, qui vont dans toutes les mines du nord de l'Europe. Oui, mon village est un village minier et les mines fermées. Et donc les mineurs partaient dans le nord de la France, dans le bassin houillé français ou belge. Qu'est-ce qu'on ressent quand on a 7 ou 8 ans quand les camarades s'en vont, comme ils peuvent s'en aller de Syrie, d'Afghanistan de... C'est un traumatisme. Parce que le copain auquel on était lié, avec qui tu jouais au foot, n'y est plus. Et puis il revenait 2-3 ans après. Immatriculé 59. Immatriculé 59, oui. Avec l'accent ch'ti. Avec l'accent ch'ti, peut-être pas, mais il sortait des mots d'une langue étrangère qui était le français. Il n'était plus comme nous, ils avaient changé. Et ça faisait plaisir de le rencontrer. Donc l'immigration a toujours fait partie de mon ADN, parce qu'en plus ma famille, les frères de mon père sont tous immigrés aux États-Unis ou en Argentine. Donc c'était vraiment... Et donc oui, ça fait partie de mon ADN et de ma culture. Un jour que vous êtes muté au lycée de Nîmes, vous voyez un panneau aigues mortes sur la gauche, une départementale. Et aigues mortes vous rappelle un de vos professeurs jésuites du lycée où vous étiez. Du collège. Du collège jésuite qui vous parle d'aigues mortes, Qu'est-ce qui s'est passé à aigues mortes? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous êtes dans votre Fiat 500? Vieux professeur... nous avait dit que à Aigues-Mortes, à l'époque de Crispi, des ouvriers italiens avaient Crispi, été... qui est Crispi? Était le président du conseil italien à la fin du siècle du 19e. Et des ouvriers avaient été immigrés, ils avaient été massacrés. Et ça a créé des problèmes de politique internationale. Mmh. C'est dans ce contexte qu'il nous a présenté la chose. Et moi, je n'écoutais jamais les profs, par principe. Je regardais les oiseaux voler. J'étais toujours distrait. Mais là, ça m'a marqué. La preuve que 20 ans après, quand je vois ce panneau, je me suis dit, mais Aigues-Mortes, ça me dit quelque chose. Et puis voilà, ça m'est venu à l'esprit, cette salle de classe et le professeur qui disait ça. Donc j'ai voulu en savoir davantage. Et j'ai vu qu'au lycée d'Aigues-Mortes, personne n'était au courant de cet événement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Aigues-Mortes? Alors, Aigues-Mortes, le 17 août 1893, des ouvriers français ont massacré, ont attaqué des ouvriers italiens, des collègues, s'il s'agissait d'immigration saisonnière. Ils étaient dans les salins, les uns et les autres. Les Français étant pour la plupart des Cévenols, des paysans. Que ce soit les Français ou les Italiens, c'est des Cévenols qui allaient arrondir leur budget en travaillant dans la récolte du sel. Donc les Français ont attaqué les Italiens et en ont massacré 10, il y a 10 morts et une centaine de blessés. Pourquoi ? Conflit du travail, mais aussi il y avait une xénophobie ambiante qui était entretenue par une partie de la classe politique et donc la folie collective s'est emparée des ouvriers qui ont participé au massacre. Mais en amont, il y a ces piqûres constantes de la classe politique et de certaines presses boulangistes, disons, xénophobes. Constante. C'est étonnant, c'est incroyable de voir la presse, disons d'extrême droite, appelons ça comme ça, de l'époque, ce qu'elle pouvait dire des Italiens. C'est incroyable. Donc, quand tu animalises l'adversaire, tu es autorisé, disons, à le massacrer. Donc, il y a eu un massacre où ces pauvres jeunes, parce qu'il s'agissait de jeunes de 20 ans, 25 ans, ont été victimes innocentes de la violence xénophobe. Alors cette violence, elle va s'exprimer, elle ne s'exprime pas qu'à Aigues-Mortes, à Lyon également, dans l'Isère. Et aujourd'hui, vous passez le plus clair de votre temps à tenter de réveiller cette mémoire et à faire toutes les mairies d'Italie, mairies de France également, pour tenter d'installer ici une plaque commémorative, d'installer là un souvenir quelconque. Et vous rencontrez pas mal de difficultés. Tout à fait, parce que je le fais d'abord parce que la mémoire des peuples est sélective. En France, jusqu'à il y a 20 ans, personne ne savait ce qui s'était passé à Aigues-Mortes. Au lycée de Nîmes, personne ne le savait, mais à Paris non plus, je veux dire. Donc, il faut... J'ai fait ce travail de recherche et de diffusion des faits historiques. Et puis, voilà, garder la mémoire, ça veut dire aussi ne pas perdre la notion de ces jeunes victimes. Non, mais ça, on est d'accord, Enzo Barbara. Oui, alors, pour ce faire, voilà, les plaques dans les villages d'où ces gens venaient, et je trouve que c'est bien de rappeler leur existence, ce qu'ils ont fait. Parce que la mémoire est sélective, comme je le disais. Les Italiens étaient un peuple d'émigrés, et maintenant c'est un peuple qui reçoit des migrants. Et c'est pas très agréable pour beaucoup d'Italiens de se souvenir de ça. Que ce soit les bourreaux ou les victimes, ce genre d'événements, on veut les effacer. Alors, quel accueil recevez-vous, par exemple, à la mairie d'Aigues-Mortes quand vous voulez que soit apposée une plaque commémorative ? Alors, à Aigues-Mortes, j'ai eu beaucoup de peine de faire connaître les faits. Un des maires d'Aigues-Mortes m'a dit « C'est grâce à votre livre que j'ai su ce qui s'est passé en 93 dans ma mairie. » Je n'étais pas du tout au courant, je ne l'imaginais même pas. Donc, déjà ça. Et maintenant, les choses bougent. J'ai eu un historien comme Gérard Noiriel qui a fait un livre. Il est impossible de nier les faits. Donc, le maire actuel m'a promis que tôt ou tard, il mettra une plaque pour rappeler ces 10 victimes à la place principale de la ville, qui est la place Saint-Louis, où une bonne partie des massacres ont eu lieu. Et moi, j'ai dit, à côté de ça, j'aimerais bien qu'il y ait une plaque qui commémore les justes aigues-mortais, c'est-à-dire les quelques aigues-mortais qui, de par leur courage, ont fait en sorte que le bilan ne soit encore plus grave. Alors ces difficultés, vous les rencontrez à Aigues-Mortes, mais vous les rencontrez également dans les mairies italiennes d'où viennent fait, ces victimes. Tout à fait, parce que les descendants des bourreaux et des victimes, comme je le disais tout à l'heure, n'aiment pas qu'on se rappelle. Heureusement, il y a des maires éclairés avec qui on peut raisonner, mais par exemple, un des morts vient de Alzano Lombardo, à côté de Bergame, qui est connu en Italie parce que la Ligue du Nord, il y fait sa fête nationale, la Bergame Fest. Et là, impossible de faire une conférence sur Aigues-Mortes, impossible évidemment de parler de plaques commémorant ce pauvre Paolo Zanetti, qui était de ce village. Alors cette problématique des plaques, vous pensez qu'elle est liée à ce qu'on vit aujourd'hui en Europe ? Absolument, absolument. À savoir l'afflux de réfugiés fuyant les guerres. Et pourquoi ? Parce que y a des analogies très fortes entre le passé et le présent. L'immigration, comme un fleuve carthique, ressort certains mécanismes mentaux sont les mêmes, et donc l'histoire peut servir à quelque chose. Donc vous vivez à 300 mètres de la frontière française, à côté de Menton, et récemment vous avez voulu encore apposer une plaque, c'est votre obsession, les plaques, une plaque au ce qu'on appelle le pas de la mort. Le pas de la mort, c'est ce sentier qui passe au-dessus de ce rocher qui domine la frontière franco-italienne à Menton. Ceux qui ont vu le Cornio s'en souviendront. Et là, le maire vous a dit, écoutez... Le maire de Menton. Le maire de Menton, ouais. Vous a dit, écoutez, c'est quand même pas terrible de mettre une plaque ici en ce moment, où sont passés donc des antifascistes italiens dans les années 20 et 30, où sont passés les juifs autrichiens, des juifs d'Europe centrale, de Russie, d'Europe de l'Est. Et il vous dit comme ça, de but en blanc, bah écoutez, non, c'est, politiquement, c'est pas terrible. C'est ça qu'il vous dit en... Et il le dit dans les faits. Il était quand même d'accord, avant l'arrivée de cette vague de migrants, il était d'accord pour mettre une plaque avec le maire de Vintimille, une plaque dans les deux langues, qui commémorait le passé. Donc les antifascistes, les juifs victimes des lois raciales musoliniennes, et tous les immigrants qui sont morts, il y a au moins 100 morts au pas de la mort, et de appeler le sentier de l'espoir, parce que la France était à l'époque terre d'asile. Les gens qui venaient d'Italie, qui allaient en France, étaient pour trouver, dans l'espoir d'avoir une autre vie meilleure. Et donc, les deux maires étaient d'accord, mais ce nouveau problème a fait en sorte qu'il s'agit de partie remise, j'espère. On va se retrouver dans quelques instants. On va d'abord aller retrouver l'AG Enzo Barnaba, historien italien, spécialiste de l'immigration. On est le 74 mars. 74 mars. Et on est sur la place de la République. Radio Debout. Vous voulez, c'est celle qui fait que pour l'instant je ne suis pas encore lynché en exprimant un point de vue antidémocratique, parce que le fait de faire croire que le système démocratique est le meilleur, c'est peut-être déjà un leurre. C'est-à-dire que les personnes qui aujourd'hui fabriquent le consentement, fabriquent en fait l'opinion, fabriquent ce qu'il faut penser, ne sont pas issues d'un système pour lequel la démocratie sera efficiente. Ce sont juste ceux qui, par leur prise de parole, leur façon de parler, de plaire ou de séduire, seront ralliés à eux le plus grand nombre. Mais ce n'est pas forcément eux qui auront raison. Donc, juste en conclusion de mon intervention, c'est de dire, au lieu de rechercher la démocratie, essayez de voir ce que vous pouvez améliorer avec votre voisin de palier, avec la personne que vous croisez, avec la personne avec qui vous ne vous adressez pas, avec qui vous préférez parler sur Facebook plutôt que de l'adresser dans la réalité. Et plutôt que d'avoir un système rêvé qui serait une démocratie, qui serait un système idéal, dites-vous qu'indépendamment des systèmes constitués, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, moi et vous, vous avez la possibilité, à votre niveau, de fabriquer un monde meilleur. Merci. Du coup, c'est au tour de François de parler. Merci. Je vais changer un petit peu de sujet, parce que je suis toujours inquiet. Et avant d'intervenir vraiment, en fait, pour le 18 mai, je voudrais que les commissions, si elles sont là, la commission sur les violences policières, la commission gardien de la paix, et il y a aussi une commission imaginaire et stratégique qui s'est créée il y a quelques jours, qu'elles viennent faire leur compte rendu de ce qu'elles ont réfléchi pour le 18. Voilà. Et après, je ferai une proposition. Et je voudrais qu'il y ait un débat et une décision. Parce que le 18 approche bientôt. Voilà. Donc, je voudrais bien que ces commissions, si elles sont là, viennent faire leur compte rendu de où elles en sont. Est-ce qu'il y a une des commissions qui est là ? Bon, ben, il y a une opposition radicale, c'est déjà un débat. Par rapport à ce qui a été dit là-dessus, on a une opposition radicale qui nous vient de Maïté. Oui. En fait, j'étais gênée par ce que j'ai entendu juste avant, parce que le sujet, oui, c'est de savoir quelle démocratie on veut. Surtout quand on n'a pas aujourd'hui une démocratie, on n'a pas une démocratie à partir du moment où, de toute façon, nos politiciens sont censés nous gouverner, ce qui est déjà gênant, et non pas nous représenter. Mais en plus, on sait bien qu'aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent sont les capitalistes, les banques. Et donc, c'est pas seulement... Bien sûr qu'il faut parler avec son voisin de palier, on est là pour ça, et c'est très bien, et ça, on le fait au quotidien. Bien sûr qu'on peut tout améliorer tous ensemble. Là-dessus, on est d'accord, c'est ce qui vous avait fait lever les bras, je crois. En revanche, ne nous faisons pas enfler. Oui, on veut construire une démocratie, vraiment, une vraie, une celle qui donne le pouvoir au peuple, direct. En tout cas, moi, c'est ce que je veux. Deuxième opposition radicale. Comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? une deuxième opposition radicale de Karim. Non, ouais, une deuxième opposition radicale, simplement pour dire que par rapport au monsieur là qui vient de parler en disant que ce qu'on voulait c'était plus de liberté d'expression, mais moi j'ai envie de dire que non, c'est bien une démocratie qu'on veut dans la mesure où finalement il y a un petit nombre de politiques qui prennent des mesures qui ne vont pas dans le sens du plus grand nombre de personnes, qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt, en tout cas, de la majorité, du peuple, et qui agissent dans l'intérêt d'une minorité et des plus riches. C'est simplement ça. Voilà. Pour revenir là-dessus, Florent. Okay. Retour au studio de Radio de Bourg en compagnie de Enzo Barnaba, retraité de l'éducation nationale italienne, historien spécialiste de l'immigration. On évoquait sa difficulté à promouvoir la mémoire de l'immigration dans le sud de la France et notamment à la frontière franco-italienne par laquelle sont passées quantité d'antifascistes dans les années 20-30, de juifs persécutés en Europe de l'Est, mais également en Italie après 1938, en Autriche après l'Anschluss de 1938. Difficulté également à mobiliser les foules. La mairie de Saint-Martin-Vésubie aujourd'hui ne commémore plus la marche des juifs qui ont fui l'arrivée des Allemands en 1943 vers l'Italie. La marche du Pas de la Corne est très peu fréquentée côté français. Une marche également qui tente à commémorer le passage par ce col situé au-dessus de Menton à 1000 mètres d'altitude d'antifascistes, de juifs également. En même temps, en France, Manuel Valls se rend dans les camps des Pyrénées-Orientaux, des Pyrénées-Orientales, où ont été emprisonnés, si on peut employer ce terme, les républicains espagnols. En même temps, on va créer un musée de l'immigration, on y fait quantité d'expositions, mais c'est vrai qu'on ne se comporte pas forcément de la sorte avec les migrants contemporains. Les migrants contemporains que vous voyez défiler à côté de votre maison, Enzo Barnaba, puisque vous vivez à 300 mètres de la frontière française, et notamment juste à côté du Pas de la Mort, un pas qui a vu également, à travers les siècles, quantité de personnes fuyant les persécutions, tentant d'y passer, et y mourant souvent, puisque lorsque l'on passe le grillage de la frontière française, on a tendance à être attiré par les lumières de Menton, et là, on tombe dans le vide. On compte une centaine de morts après la Seconde Guerre mondiale, de 1945 à 1960, au début des années 60. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à la frontière franco-italienne? Vous voyez toujours des gens passer par le Pas de la Mort? Vous voyez toujours cette frontière bloquée, ces personnes qui attendent sur la grève à la frontière franco-italienne? La frontière est bloquée, et les gens attendent. Et souvent, ils reviennent sur leur pas parce qu'ils sont refoulés. Disons que la frontière est imperméable, sauf par ici, par là, à cause des passeurs qui sont souvent des criminels. Donc, il y a ce problème qui est grave de délinquants qui gèrent ce problème à cause du fait que les États s'en occupent peu et mal. Il y a un repli identitaire des deux côtés, au niveau des gouvernements, surtout du gouvernement français, je dirais, et au niveau des opinions, là, que ce soit les Italiens ou les Français. Et ça, c'est triste pour quelqu'un comme moi qui a cru dans l'Europe, et j'espère que l'issue sera plus d'Europe pour que le continent puisse faire face à ce problème gravissime qui est les problèmes du tiers-monde et des guerres comme celle qui a lieu en Syrie. Alors une dernière question avant de passer la main au camarade Antoine sur la situation factuelle et actuelle. On a vu des images de centaines de migrants attendant à la frontière franco-italienne. Aujourd'hui, le chemin a migré, si je puis l'appeler ainsi, pour permettre d'utiliser ce mot, vers la route des Balkans, laquelle se bloque aujourd'hui. Donc il y a moins de migrants, de réfugiés qui passent à la frontière franco-italienne. Est-ce que, du fait de ce blocage de la route des Balkans, on va voir arriver de nouveau des gens passant par l'Albanie, passant par la Libye? Ça, il paraît que c'est sûr. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est probable. L'Albanie et la Libye, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, que voyez-vous? Aujourd'hui, il y a eu 600 naufrages manqués avec 600 personnes venant de Libye qui ont été sauvées par la marine italienne. Et Donc, comme les frontières sont bloquées, la frontière française et l'autrichienne, la Suisse, n'en parlons pas, je crois que l'Italie se trouve confrontée à un problème gravissime et que le plan du gouvernement italien peut sauter en l'air à cause du nombre énorme de migrants non prévus arrivés dans les côtes du sud de l'Italie. Enzo Barnaba, merci beaucoup. Vous voulez ajouter quelque chose ? Vous me disiez, là, pendant qu'on écoutait l'AG, que l'ambiance était plutôt sympa ici. Tout à fait sympa. Et j'ai beaucoup de sympathie. Et surtout, j'ai beaucoup d'espoir. C'est vrai ? J'espère que oui, que la relève. On vous sentait un peu aigri au début. Ah, ces jeunes, ils sont cons. Non. Pas à République. Voilà. Antoine. Pas à République. Antoine, est-ce que vous avez une question à poser à ce. Au vieil Enzo Barnaba, ce communiste en bourgeoisie. Oui, alors il y avait un des compatriotes qui était là tout à l'heure, Oreste Calzone, et donc Scalzone, pardon. Oui. Et du coup, vous avez été camarade de lutte ou pas ? Non. Pas du tout. J'étais au Parti communiste et lui il pensait que les communistes étaient la répression. Ah oui, d'accord. Ouais. Elle se trompe. Le vieux clivage anarchiste-communiste. Voilà. D'accord. C'est pas réglé encore. Hein. C'est pas réglé. Ça sera jamais réglé. C'est réglé parce qu'il n'y a plus de parti communiste. Mais c'est vrai, voilà. C'est réglé en fait. Antoine, c'est une bonne nouvelle. Antoine, tu reçois Stathis Kouvelakis. C'est qui ? Alors, Stathis Kouvelakis, il est là avec nous. Il va venir s'installer. Et c'est un camarade qui est un observateur donc, des luttes sociales. Il est professeur de philosophie au King's College à Londres, hein, c'est ça. Et ce qui nous intéresse de t'inviter aujourd'hui, Stathis, c'est que toi, tu es un observateur notamment de ce qui s'est passé en Grèce. Et quelles leçons on peut tirer de ce qui s'est passé en Grèce, peut-être ? Quelles analogies tu vois et quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas commettre ici si elles ne sont pas déjà commises ? Bon, c'est peut-être pas à moi de dire quelles sont les erreurs et de dire ce qu'il faut faire, mais disons que je peux faire une comparaison, effectivement, parce que j'ai eu la chance de pouvoir être là à Athènes au printemps 2011, quand les places des principales villes, à commencer par la place principale d'Athènes, la place Syntagma, ont été occupés par des foules considérables. Et bon, il faut voir quelles sont des analogies et puis des différences entre ces deux mouvements. Alors je rappelle un peu le contexte grec. La Grèce était soumise à l'époque, depuis déjà, ça faisait un an, depuis le printemps 2010, à une thérapie néolibérale de choc suite à son incapacité de rembourser sa dette. Et donc, elle a été soumise à des programmes supposés d'aide, en fait, qui n'ont aidé que les banques et qui ont saigné la population et le pays. Donc, des mouvements sociaux de plus en plus importants se sont passés depuis 2010. Et en 2011, ils ont atteint un point culminant avec, comme je le disais auparavant, à partir du 25 mai 2011, des foules considérables qui ont commencé par envahir d'abord la place principale d'Athènes, juste en face du Parlement, et puis d'autres places dans les principales villes du pays. Donc c'était un mouvement qui a duré pendant presque 2 mois, pendant 1 mois et demi, qui a été scandé également par des mouvements très importants de grève, qui étaient animés par le mouvement syndical. Donc de ce point de vue, il y a une analogie qui est évidente entre ce qui se passe ici avec, disons, la conjonction avec ce qu'elle peut avoir évidemment aussi de problématique ou de limité entre le mouvement contre la loi El Khomri, les mobilisations syndicales, la mobilisation de la jeunesse et puis le mouvement Nuit Debout. Alors évidemment, on n'a pas du tout place de la République, on n'a pas les foules qu'il y avait place Syntagma. Hein. Pendant les grands rassemblements du week-end à la place Syntagma, on avait entre 300, 500, 600, 700 000 personnes. C'est parmi les plus importants rassemblements de l'histoire grecque. Lors d'un sondage qui avait été fait en été 2011, on évalue les 28% de la population adulte du pays déclarée avoir participé à au moins une action collective, à au moins un mouvement social. C'est du jamais vu, ça fait plusieurs millions de personnes à l'échelle du pays. Bon, donc c'est un, il n'y a pas la même, il n'y a pas la même participation massive, il n'y a pas la rage non plus qu'il y avait en Grèce. Hein. C'est la rage d'une société qui avait déjà été mise à l'épreuve. Les gens avaient été très lourdement frappés par les mesures d'austérité, leur salaire, leur retraite avaient diminué. Les coupes dans les dépenses publiques se faisaient sentir, dans les services publics, dans les hôpitaux, dans les écoles. Donc la société était en train de se paupériser très rapidement. Donc il y avait une colère, une rage contre le personnel politique, contre les majorités parlementaires, contre les deux partis qui en Grèce se sont alternés au pouvoir depuis des décennies. C'était très fort, c'était très spectaculaire. En comparaison, je trouve que Nuit debout me paraît sage, hein, ça me paraît poli. D'autant plus là, ces jours-ci, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de mobilisations cette semaine, il y a eu des manifs, les troupes sont fatiguées, et aujourd'hui, effectivement, on voit une AG un peu clairsemée, mais il y a plus d'un mois et demi de lutte maintenant, et effectivement, on va justement écouter un peu ce qui se dit en ce moment sur l'AG, et on continuera Statis. Et des amis aussi, mais on... Oui, mais j'ai plusieurs amis qui sont menacés de mort, en fait, qui travaillent dans le domaine des droits humains, en fait, droits de l'homme. Pour faire la défense de la droite de l'homme, et de fait, sont 1200 jovens que sont assassinados somente pela polícia do estado do Rio de Janeiro no Brasil. Tout simplement à l'état de Rio, il y a 1200 jeunes qui sont assassinés par la police de l'état. Et por que que eu tô tentando falar dos assassinatos antes de dizer o que que tá acontecendo no Brasil? Tem golpe de estado que aconteceu anteontem no Brasil. Pourquoi est-ce que je parle à propos de ces assassinats avant de rentrer dans le sujet du coup d'État qui s'est déroulé avant-hier au Brésil? À extrême droite, com a direita, apoiada por petroleiras norte-americanas, apoiada pela Federação das Empresas Brasileiras, organizou esse golpe de Estado para tirar a presidenta Dilma Rousseff et le Parti des travailleurs du pouvoir. Alors la droite et l'extrême droite, alliées aux compagnies pétrolières des États-Unis, à la Fédération des industries de São Paulo notamment, et aussi... Quel autre s'est allié à la Fédération? Oui, c'est ça. Ils ont donc organisé un coup d'État contre la présidente Dilma au Brésil. E a presidente Dilma Rousseff, nesse momento, ela tem pouco apoio popular porque, de fato, seu governo não mudou muito a vida dos pobres no Brasil. Já tivemos avanço significativo, mas não mudou muito. En fait, la présidente, elle avait très peu de soutien populaire dernièrement parce que elle on a eu des changements sociaux, c'est vrai, mais pas récemment en fait sous son gouvernement. Donc elle n'avait pas de soutien populaire. Et agora com o golpe de estado que aconteceu no Brasil, as mesmas leis trabalhistas que correm perigo aqui na França são as mesmas leis trabalhistas que correm perigo no Brasil nesse certo momento. Existe uma rearticulação do capitalismo a nível global. Et les travailleurs du monde entier, en ce moment, vont perdre des droits. Et maintenant, ce qui se passe au Brésil, ça se ressemble à ce qui se passe ici en France, en fait. On risque de perdre nos droits travaillistes. Et en fait, c'est une réarticulation du capital. Ça se passe partout dans le monde. Et nous, les travailleurs au Brésil, on risque aussi de perdre beaucoup des droits qu'on a acquis récemment, ces dernières années, dans la lutte. Então, por isso, é importante denunciar o golpe de Estado que aconteceu no Brasil. Eu peço a vocês que procurem informações em mídias alternativas, porque teve debate na CGT esta semana e uma professora de História da Sorbonne disse que a mídia francesa está abordando de forma superficial o que está acontecendo no Brasil e eu percebi isso também. Assistir os telejornais aqui. D'où l'importance de se renseigner sur ce qui se passe maintenant au Brésil, sur les coups d'État qu'on a vécu avant-hier. Parce qu'ici en France, les médias, ils sont en train de désinformer à propos de ces sujets. Et il disait qu'il a vu une professeure de la Sorbonne qui, dans une conférence, parlait à propos de ça, justement, la couverture que la presse française a faite de cet événement. Ça ne montre pas vraiment ce qui s'est passé au Brésil. Écoutez, parler, comprendre. Radio Debout. Rendez-vous sur le SoundCloud pour le podcast. Statis Kouvelakis, là, sur l'AG, il y a un intervenant brésilien qui raconte le coup d'État qui vient de se dérouler au Brésil. Donc les coups d'État institutionnels, hein, c'est une nouvelle forme de reprendre le pouvoir que, les gouvernements progressistes, pour la plupart en Amérique latine, mais c'est aussi un peu ce qui s'est passé en Grèce, hein, non ? Mais sans changement de Premier ministre, non ? Oui, alors, je ne sais pas si la formule de coup d'État est adaptée, mais on sait bien que le pouvoir véritable, c'est les puissances de l'argent, le grand patronat, la finance, les banques qui le détiennent. Et quand c'est nécessaire, ils l'imposent de la façon la plus brutale. Ceci étant, moi, je ne voudrais pas non plus exonérer les gouvernements de leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'il y a eu un discours l'année passée en Grèce, quand le gouvernement d'Alexis Tsipras, une semaine à peine après un référendum qui a rejeté à 62% un paquet de mesures d'austérité proposées par l'Union européenne, a capitulé devant la même Union européenne et a signé quelque chose qui était pire que ce qui venait d'être rejeté par l'électorat. Donc, à ce moment-là, Tsipras s'est posé comme victime pour justifier en fait sa capitulation en disant qu'il n'avait pas le choix et qu'il a dû céder face à un rapport de force défavorable. Le rapport de force était bien entendu asymétrique, mais ça, on le savait depuis le début. Et il n'a rien fait pour préparer justement une défense qui lui aurait permis de passer outre et de rester fidèle au mandat populaire. Et je crois que si à l'heure actuelle, Dilma Rousseff et le Parti des travailleurs au Brésil se retrouvent en difficulté, c'est parce que pendant toutes ces dernières années, ils ont fait une politique qui était finalement une politique qui suivait les recettes néolibérales. On l'a vu au moment de la Coupe du Monde, par exemple, où la population est descendue dans les rues parce que les transports en commun sont dans un état lamentable, alors que des milliards ont été dépensés pour construire des stades. Alors, je ne nie pas qu'il y a eu des avancées sociales, notamment sous les mandats de Lula, qu'il y a eu une amélioration du niveau de vie des couches les plus pauvres de la population qui vivent dans une misère effroyable au Brésil, et que les classes bourgeoises et l'oligarchie sont très revanchardes au Brésil, comme dans toute l'Amérique latine et ailleurs, évidemment. Mais il ne faut pas non plus, je crois, exonérer les partis dits de gauche qui ont gouverné un pays comme le Brésil, ou qui gouvernent toujours comme la Grèce, et puis qui finalement se révèlent impuissants à tracer une voie qui diffère de celle du néolibéralisme et aux besoins qui trahissent le mandat qu'ils reçoivent de leurs électeurs. Oui, à sortir du cahier des charges néolibéral, c'est ça. Donc, à s'extraire de l'agenda. Alors là, par rapport à la question de la démocratie en Grèce, c'est quand même épatant. Je veux dire, depuis 6 ans, la population a absolument tout essayé, à la fois par des moyens d'action collective, mais aussi en élisant un gouvernement de gauche radicale en janvier 2015, dont l'engagement fondamental était de rompre avec les politiques d'austérité. Et à chaque fois, il se retrouve avec quoi ? Avec un nouveau paquet de mesures d'austérité. Donc c'est une destruction complète de la démocratie. La Grèce est maintenant un pays qui est sous tutelle. Elle est sous tutelle de ses créanciers, comme l'ont été tous les pays surendettés. Ça a commencé par les pays du Sud global. Mais maintenant, on le voit bien, ça s'est étendu à l'Europe. Il y a à nouveau de la contestation ces derniers jours en Grèce. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Alors oui, il y a la contestation parce que le gouvernement vient de faire voter au forceps par le Parlement, ce qui rappelle tout à fait d'ailleurs les procédures de quelque chose d'équivalent au 49-3 à la française. Une réforme des retraites, ça fait je crois la 6e réforme entre guillemets des retraites depuis le début de la crise en Grèce. C'est-à-dire c'est la 6e fois que les retraites sont réduites à des niveaux vraiment de misère. Hein, et ce n'est sans doute pas fini. Et puis un nouveau paquet de coupes budgétaires et de mesures de surtaxation dans un pays où les ménages modestes sont les plus lourdement taxés déjà en Europe. Alors, Statis, tu trouvais que le mouvement était gentil ici, hein, par rapport à ce que tu as connu à Syntagma et en Grèce. Et alors, comment tu vois les choses? À quoi ça peut, qu'est-ce que ça peut planter comme graine, quand même, un mouvement, même si, effectivement, on voit qu'aujourd'hui, ça s'essouffle un peu, qu'il y a quand même une fatigue, qu'il y a aussi de la répression, hein, qui fait que ça casse quand même le mouvement, ça casse les gens, ça casse les membres. Ça, voilà, il y a aussi cette stratégie qui est mise en place par le pouvoir. Oui, c'est très clair. Hein. Là, on a voulu, avec la politique de la poigne de fer, tuer le mouvement dans l'œuf. On voit bien que la jeunesse a été tout particulièrement réprimée de façon très brutale. Et ce dont le pouvoir a le plus peur, c'est d'une jonction, comme on dit, entre la jeunesse et le mouvement syndical. Mais ça, c'est le cas de tous les mouvements sociaux en France des dernières décennies, en fait. Alors, personnellement, je crois que ce mouvement, il donne beaucoup d'espoir et qu'il représente un tournant dans la situation. Il survient après une période d'atonie sociale quand même importante. Hein. Depuis 2010, on n'avait pas vu de grands mouvements sociaux en France, et puis en 2010 sur les retraites, c'était un échec. Donc il signale un réveil social. Et puis on a vu un secteur de la jeunesse, sans doute minoritaire, mais quand même très motivé, se mobiliser et trouver, inventer des formes nouvelles, en tout cas pour la France, des formes nouvelles de mobilisation. Et rechercher aussi des formes d'unité et de liaison de son action avec d'autres secteurs sociaux. Et puis il y a eu bien sûr la mobilisation aussi des salariés du monde du travail qui a été quand même importante et qui n'est pas terminée. Hein. Cette bagarre n'est pas terminée, elle continue. Et je crois qu'elle signale un tournant très important. Il est trop tôt pour dire quelles seront les conséquences politiques. On en voit déjà une, c'est que ce pouvoir est considérablement affaibli. Il a besoin de recourir à la fois à des procédures parlementaires expéditives, à une répression policière de plus en plus forte pour faire passer ces mesures. Et je crois qu'il y a une crise politique en France qui était déjà là, bien sûr, qui va s'accentuer encore, et qu'il y a des possibilités nouvelles, précisément, qui s'ouvrent pour des forces sociales et politiques qui veulent une véritable rupture par rapport aux politiques qui sont appliquées depuis des décennies dans ce pays dont la population souffre, quel que soit le gouvernement en place, finalement. Mais Statis Kouvelakis, pour sortir du carcan, se libérer du carcan néolibéral, est-ce qu'il faut que ce soit un mouvement international? Ouvrir une brèche en Europe, comme l'a essayé Syriza, ça n'a pas marché. Le système, la technostructure est plus forte, donc reprend la main et casse les mouvements. Donc comment faire pour justement... Alors on a pensé au jeu des dominos, que ça aurait pu être la Grèce et l'Espagne, et pourquoi pas après la France avec ce qui se passe aujourd'hui, mais ça a été tué dans l'œuf, c'est ça? Ça aurait pu être la Grèce, hein, si Syriza n'avait pas capitulé. Toute la question est là. Je veux dire que il faut commencer quelque part, et on commence à l'échelle inévitablement d'un pays, là où les conditions sont les plus favorables, là où l'adversaire est le plus affaibli, où il est le plus en crise, là où la mobilisation est plus forte. On ne peut pas avoir des choses qui se passent de façon totalement synchrone, de façon totalement coordonnée partout. Donc il faut commencer quelque part, et il faut que ça réussisse évidemment quelque part pour qu'il y ait une force d'entraînement qui se dégage. Si on merde, je veux dire, si on échoue, et c'est ce qui s'est passé en Grèce, on a échoué. Moi, j'étais dans Syriza jusqu'à l'été dernier. Je l'ai quitté, comme la plupart d'ailleurs de ces militants, après la capitulation. Mais on a échoué, justement. On a échoué là où il aurait fallu réussir. Et si on avait fallu réussir, la situation européenne, à l'heure qu'il est, aurait été profondément différente. Et Statis, ton point de vue sur ce qui se passe en Espagne? Alors, mon point de vue sur ce qui se passe en Espagne, c'est que c'est quand même très intéressant, parce que l'Espagne est d'une certaine façon ingouvernable. Je veux dire, là, les politiques d'austérité ont affaibli le bipartisme espagnol, à la fois la droite et le Parti socialiste qui ont gouverné le pays jusqu'à présent. Le paysage politique est très fragmenté. Podemos, qui est quelque chose d'assez proche de Syriza en Grèce, assez comparable, on va dire, en tout cas, est en deuxième, troisième position. On va voir ce qui va se passer pendant les élections. Il y a eu des mobilisations sociales très importantes aussi en Espagne. Le mouvement des places, les mouvements contre les expulsions. Et puis en Espagne, il n'y a pas de sentiment de défaite. Hein. Je veux dire, en Grèce, après la capitulation de Tsipras et de Syriza, il y a un sentiment de défaite dans la société. Ce n'est n'est pas le cas en Espagne. Donc il y a une bataille qui est devant nous en Espagne, à la fois au niveau politique, bien sûr, et puis au niveau social. Moi, je crois que la clé du succès est là. C'est qu'il faut gagner une partie décisive quelque part. Il faut ouvrir une brèche à l'intérieur d'un pays. Et pour le faire à l'intérieur d'un pays, il faut une mobilisation sociale et il faut un changement au niveau politique et électoral. Il faut un changement de majorité. Il faut les deux. Il faut la conjonction des deux. L'un sans l'autre, c'est pas possible. Et justement ici, la mobilisation sociale, est-ce que tu penses qu'elle elle a du mal à prendre, donc à sortir des centres-villes, du centre-ville, de la place de la République? Et on voit bien que les 1000 militants Nuit de Boutis qui sont là, quand ils sont à l'Assemblée nationale, devant l'Assemblée, ils ne sont plus là. Donc on est quand même sur un groupe réduit, quoi, et qui n'a pas réussi à faire le pont avec et les quartiers populaires, et les syndicats, et les travailleurs, et les ouvriers. Bon, quant aux syndicats, quant au mouvement syndical et aux travailleurs, je serais quand même plus nuancé. Il y a eu des manifestations très importantes, que ce soit à Paris ou en province, et puis on a vu que dans ces manifestations réunissaient quand même un nombre de jeunes et de salariés qui étaient tout à fait significatifs. Le gros problème pour moi, c'est peut-être l'unité avec les quartiers populaires. Et là, il faut voir qu'on est... On a en face de nous déjà une ségrégation urbaine qui rend cette jonction matériellement, physiquement, je dirais, difficile. Et puis, il faut aussi que le mouvement comprenne qu'il faut s'adresser spécifiquement aux quartiers populaires. Je veux dire, c'est pas possible pour un mouvement social de demander de façon un peu incantatoire que les gens des quartiers populaires viennent si on ne parle pas une langue et si on ne pose pas des problèmes qu'eux, ils peuvent comprendre et qui leur parlent de façon directe. Alors, les populations qui sont dans ces quartiers subissent une discrimination très lourde, une discrimination raciste. Pour eux, la répression policière, elle a toujours été là. Eux, ils vivent dans l'état d'urgence, pas depuis 8 mois, mais depuis 8 décennies. Enfin, je ne sais pas, enfin, depuis très longtemps, en tout cas. Donc, si on ne parle pas de cette question aussi, je ne dis pas seulement, mais si on ne parle pas de cette question aussi, eh bien, on ne va pas être écouté et on ne pourra pas mobiliser. Donc ça c'est, je pense que c'est quand même des idées qui doivent faire leur chemin. Il est plus que temps. Alors, Statiste, tu as signé il y a quelques jours une tribune collective dans Le Monde qui était plutôt assez optimiste. Hein, Nuit debout, peut-être porteur d'une transformation sociale de grande ampleur. Alors, c'est porteur ? Oui, je crois que c'est porteur. Ça veut pas. Bon, je ne pense pas du tout que mon optimisme soit déplacé. Je vais donner un exemple par rapport à ça. C'est le mouvement Occupy aux États-Unis. Le mouvement Occupy aux États-Unis était d'une échelle bien plus réduite que le mouvement social qu'on a vu en France depuis maintenant 2 mois. Et pourtant, son impact dans la société américaine a été extrêmement profond. Les questions des inégalités sont venues au premier plan. Et puis, ça a ouvert la voie à la campagne de Bernie Sanders, qui a su exprimer des aspirations, et notamment des aspirations de la jeunesse, vers plus de justice sociale, qui sont très puissantes, en fait, hein, et de lutte contre les inégalités et contre les logiques de guerre et de militarisme. Donc ça, c'est pour les États-Unis. On ne s'en rend peut-être pas compte en Europe. Moi, j'ai vécu aux États-Unis. Je peux me rendre compte à quel point ça représente une rupture pour les normes de la politique américaine. Et pourtant, le noyau initial en termes de masse était réduit. Donc je pense qu'en France, le mouvement Nuit debout aura un impact qui ne veut peut-être pas se manifester tout de suite, là maintenant, dans les jours et dans les semaines qui viennent, mais dont l'impact sur la longue durée sera profond. Parce qu'on a vu en France des éléments réémerger, des éléments de contestation, portés notamment parmi les jeunes, qui sont très profonds. On a vu la contestation du patronat et du pouvoir patronal, par exemple. On a vu la contestation de l'emprise du capital dans tous les secteurs d'activité, dans la vie quotidienne, sur l'environnement, sur la façon dont nos vies sont bousillées, dans les lieux de travail et en dehors. Bon, je crois que tout ça, c'est des éléments qui sont très forts et qui vont changer la façon dont le débat public va se dérouler dans la période qui vient. Les gens qui sont sourds à ça, qui pensent que ça ne va être qu'une parenthèse et qu'après on va revenir au business as usual, vont être complètement démentis par l'évolution des choses, j'en suis persuadé. On n'en doute pas non plus, Tatis. Merci d'être venu à Radio Debout nous parler, merci à toi et à vous pour votre travail. Au revoir. Alors, on va retourner écouter un peu l'AG là, qui continue, qui bat son plein, là, enfin, un petit plein, mais quand même qui continue à battre. Et après, on ira donc retrouver Alain qui reçoit Lise Guignard, qui a écrit un livre sur les chroniques du travail aliéné. AG. Parce qu'il nous écrase, ne pas confondre. Et si demain, nous, on a le pouvoir, on ne doit pas s'approprier, on doit le servir. On n'est pas là, la propriété. Servir pour continuer. Merci. D'accord, chacun dit son point de vue. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Tu as... Oui. D'accord, moi aussi. Oui, mais bon. Merci. Malika. Oui. La poésie crée des débats et c'est tant mieux. Et voilà. Et maintenant, on a affaire à un point lutte qui va être déterminé par John. John ? Ouais, point lutte. Le point lutte. C'est bon, je passe après. Ludo, tu passes après. Tiens, point lutte. Bonsoir. C'est la commission grève générale. Je vous parle pour vous annoncer deux choses. Demain matin, on organise un tractage à Porte de Clignancourt et à Mairie des Lilas pour parler de la grève du 18. Il faut savoir que le 18, il y a toute une partie des cheminots qui partent en reconductible et ils sont soutenus par les raffineurs. Donc c'est un début de grève générale. Donc on pense que c'est très important de faire monter la température partout et d'informer les gens là-dessus. Donc plus on sera demain, plus on pourra toucher de monde. Donc demain matin, rendez-vous à 8h à Porte de Clignancourt et à Mairie des Lilas. Et par ailleurs, à 14h, il y aura demain une grande journée de grève des précaires de la BNF, la Bibliothèque Nationale Française, à François Mitterrand. Et donc, on vous invite tous, il y aura une prise de parole au piquet de grève de la BNF et ensuite, on convergera vers la Cinémathèque. Je ne sais pas si vous savez, mais vendredi dernier, la Cinémathèque a été occupée par des anciens salariés de la boîte de sous-traitance qui gère l'accueil là-bas. Ils travaillaient dans des conditions extrêmement précaires, avec du harcèlement, une pression psychologique, une entreprise qui violait le code du travail en permanence. Et donc on est allé occuper la Cinémathèque, on s'est fait virer au bout de 3 heures par les CRS. On va revenir là-dessus. Et l'idée, c'est de faire une grande assemblée sur la convergence de tous les précaires de la culture, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a notamment les gens du centre Pompidou-Metz qui sont en grève là depuis un long moment, qui seront là. Et donc, c'est l'idée de faire cette convergence, même de parler d'une convergence entre tous les précaires, les gens qui n'ont pas forcément les moyens de faire grève du fait de leur situation, mais de trouver des moyens et des formes de grève où ces gens-là pourront aussi bloquer l'économie. Donc on a ces deux rendez-vous-là, et on a rendez-vous aussi à dimanche à 13h au Hall pour une grande action de blocage, on ne peut pas dire ce que c'est. Mais donc voilà, on a ces trois rendez-vous, et si nous on pense que là, dans le calendrier dans lequel on est, c'est-à-dire avec la grève reconductible qui part le 18, c'est vraiment le moment de faire des occupations, des blocages, de faire monter la température. Il n'y a que ça en fait, des grandes actions qui vont pouvoir rallier les gens à cette grève et qui vont pouvoir faire en sorte qu'on sera soutenu le plus massivement possible et qu'on pourra tenir jusqu'au retrait de la loi travail. Avec le 49.3 qui est passé, il n'y a plus que cette solution-là, c'est-à-dire ne pas laisser le choix au gouvernement et bloquer l'économie et le prendre en otage. Donc voilà, on a ces actions, on espère être soutenu massivement et bonne soirée. Radio Debout, la radio dont le cœur bat et boue. L'orateur de l'AG qui fait une transition avec l'entretien que nous allons avoir maintenant. Alors, il était question de précaires, mais là, on va parler d'autres salariés, de salariés qui ne sont pas précaires. Avec Lise, vous, présentez-vous. Oui, moi, je suis psychanalyste habituellement. Et fréquemment, on m'envoie, les services de médecine du travail m'envoient des personnes qui sont victimes de décompensations psychiatriques liées au travail. En tout cas, c'est leur avis. Et donc, les personnes viennent me voir. Je les reçois 2 fois 2 heures, dans un intervalle d'un mois. Et donc, j'en ai rendu compte dans Alternatives Libertaires. Pendant plusieurs années, chaque mois, j'écrivais un témoignage en fait, une partie de la consultation que je venais de faire en général ou très récemment. Mon but c'était de transformer ce qu'on appelait le harcèlement moral ou la souffrance au travail de manière à changer d'angle et analyser les rapports de force et le saisir comme un rapport d'exploitation plutôt que comme un défaut managérial ou bien être victime d'un pervers narcissique. Alors donc, tous ces textes ont été recueillis dans un livre qui a été publié. Donc, le livre s'appelle « Chronique du travail aliéné », c'est aux éditions Dune. Et pour se faire une idée un peu de ce que peuvent être ces chroniques, on va par exemple lire un extrait avec un portrait, le portrait de Marie-Lou. Alors attendez que j'y arrive. Alors je vais vous lire le premier paragraphe et puis vous continuerez l'histoire, hein, s'il vous plaît Lise. Oui. Je sortais de mon bureau, je venais de préparer un salarié à son entretien de licenciement et j'ai eu un pet à la tête. J'ai senti une grande fatigue, j'ai perdu toute mon énergie, j'ai réussi à me diriger vers l'infirmerie. Mon cerveau ne voulait plus fonctionner, je ne savais plus lire l'heure ni compter. Ça a duré quelques heures, j'ai pensé que je démarrais un Alzheimer ou une tumeur au cerveau. J'ai eu très peur. 3 semaines d'arrêt de travail et des examens compliqués, rien. Et puis c'est revenu petit à petit, mais c'est là que j'ai réalisé, en fait, ils sont en train de nous virer les uns après les autres. Je suis élu du personnel dans la boîte depuis 20 ans. Je croyais que je connaissais bien toutes les facettes parce que je suis aussi l'assistante interprète du président du groupe France. On fait partie d'une multinationale, mais en fait, depuis 6 mois, ils n'avaient plus besoin de moi au conseil d'administration. On me donnait de moins en moins de travail. J'ai mis longtemps à comprendre ce que j'ai saisi ce jour-là d'un seul coup, en sortant du bureau avec le cadre qui avait eu son entretien préalable le lendemain. Alors donc là, Lise, nous sommes éloignés du monde des précaires. Hein. Les portraits que vous dressez sont des portraits de gens qui sont salariés, qui ont même parfois de hautes fonctions. Oui. Et pourtant, eux aussi peuvent être victimes de l'aliénation du travail. Tout à fait. Enfin, eux aussi. Eux comme tout le monde. La question de la souffrance au travail, du harcèlement moral, est une description des modalités actuelles de l'exploitation des travailleurs. Et les précaires, les cueilleuses d'asperges dans les champs, les maçons, les sans-papiers sur les échafaudages, personne ne pense qu'ils pourraient avoir de la souffrance au travail. Et en effet, pour eux, on pense plutôt aux accidents du travail, aux morts. Il y a énormément de morts qu'on ne connaît pas dans les sans-papiers, les postes les plus difficiles, les postes les plus dangereux. Donc on a toute cette exploitation dont on parle peu parce que c'est masqué en effet par une espèce de psychologisation de l'exploitation avec cette idée que le management serait mal fait, que certaines organisations du travail seraient plus délétères. En effet, il y a une intensification importante du travail, il y a une dégradation des conditions de travail, en effet. Mais faut pas exagérer, mais une grande partie de cette dégradation des conditions de travail, avec des augmentations de troubles musculosquelettiques, de catastrophes cardiovasculaires, etc., qui d'ailleurs n'est pas... en majorité chez les cadres, hein, la dégradation cardiovasculaire et chez les employés, hein, de manière la plus importante. Et tout ça est un peu masqué actuellement par le harcèlement moral. Et le harcèlement moral, la souffrance au travail, enfin, ça dépend. Bon, donc moi je suis un peu chercheur en psychologie du travail depuis plus de 20 ans. Et de ce fait, dans mon travail habituel de psychologue en ville, on m'envoie les harcelés moraux. Et je passe mon temps, alors même que ce sont des gens dans des états catastrophiques, psychologiquement catastrophiques, je passe mon temps, au fond, avec eux, tranquillement, à repolitiser la question. Marie-Lou, par exemple, elle a ce malaise qui était effrayant, qui au fond n'est pas grave, hein, finalement, mais qui est très effrayant, qui effraie tout le monde, le médecin du travail aussi. Et bien sûr, c'est l'assistante du président. Alors c'est très effrayant, encore plus. Le médecin du travail s'identifie plus facilement à une assistante de président qu'à une femme de ménage. Et donc tout le monde est effrayé. Et au fond, cette femme le dit bien. Elle dit, j'ai réalisé qu'ils étaient en train de nous virer tous les uns après les autres. Et elle réalise de cette façon que si elle est écartée des traductions du président et des visioconférences, c'est parce qu'elle est en même temps déléguée CGT, ce qui pour le président était pas mal hein, d'avoir dans sa poche la déléguée CGT. Et donc, mais à un moment, quand c'est trop tendu, quand il y a un plan de licenciement trop important, on l'écarte. On l'écarte, elle ne comprend rien, et à un moment elle comprend, et c'est là qu'elle tombe. Et là, elle raconte, ensuite, elle raconte que, par exemple, dans cette multinationale, ils avaient sans doute trouvé un consultant un peu plus fou que les autres, qui avait décidé, pour, parce que quand vous faites un plan de licenciement, moins vous en avez à licencier, moins vous déboursez. Donc, avant un plan de licenciement important, on licencie pour des tas de raisons. Pour toutes les raisons possibles et imaginables, on licencie individuellement. Et donc, ils avaient trouvé une technique qui était de mettre tous les cadres à l'emballage pendant une semaine. Et l'emballage, il faut être habitué, hein, parce que ça va très vite, c'est très difficile, c'est une chaîne, hein, toujours. Et là, ce sont des tout petits produits et ça y va. Et donc, ils ont mis tous les cadres à l'emballage, une semaine chacun. Et non seulement ça les a complètement désespérés, parce que des cadres supérieurs, ça les désespère. Hein. Et ce que tout le monde fait tout le temps. Et en plus, ils pouvaient leur envoyer des mails auxquels il fallait répondre dans l'heure. Et de ce fait, comme ils ne répondaient pas, vu qu'ils étaient à l'emballage, ils étaient licenciés. Donc là, très concrètement, c'est ce que vous appelez le harcèlement moral. Alors, c'est ce qu'on peut appeler le harcèlement moral. Moi, j'appelle ça une arnaque. Enfin, j'appelle ça une manipulation, j'appelle ça une malhonnêteté. Et pas un harcèlement moral. Ça n'a rien de moral. C'est complètement amoral, même, on pourrait dire. Et alors, donc, des portraits comme ça, vous en avez recueilli combien pour Moi, j'en ai fait, je sais pas, 150. Et l'éditrice en a rassemblé 80. Sur les 80, il y a une vingtaine qui ont été écrits par un médecin du travail, Fabienne Bardot, qui est médecin du travail et qui, elle, a écrit un petit peu différemment, mais des portraits absolument épouvantables aussi. Un exemple, peut-être Ben, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'on on dit habituellement qu'il s'agit de mal parler aux gens ou de les maltraiter. Nous, on part du principe que c'est ce qui rend malade, c'est ce qu'on fait. Et donc, on a des descriptions de gens qui font... qui arnaquent les clients, qui plument les clients des banques, qui vendent des produits qui servent à rien à des gens qui s'en aperçoivent même pas, ça apparaît ensuite. Bon, ça c'est dans tous les plateaux téléphoniques, on dit qu'il y a une grande souffrance dans les plateaux téléphoniques, mais c'est sûr, c'est sans doute pénible d'avoir des casques sur les oreilles toute la journée, mais c'est surtout parce qu'ils mentent les trois quarts du temps au téléphone. Alors votre livre sort avec avec une actualité qui est cette loi sur le travail. Il y a des syndicats qui s'opposent à la loi, qui eux ont des propositions, des réponses. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces prises de position syndicales ? Alors je suis vraiment très contente. Et d'ailleurs la personne qui parlait juste avant, qui parlait d'une mobilisation, elle parlait la BNF, je crois, où régnait un climat délétère entre les gens avec du harcèlement moral et qui proposait une lutte. Et en effet, je trouve que cette proposition est très intéressante, de lutter, de parler ensemble et de s'organiser, bien plus intéressante que de réclamer des consultations psy, des tickets psy, des psys à tour de bras pour aller mieux et tenir le coup en continuant à faire des choses qu'on réprouve. Et alors, vous m'avez aussi parlé finalement, vous parlez de repolitiser le discours. Plutôt que d'amener des solutions médicales, il faut repolitiser. Exactement, oui. Et c'est ça. Je pense que ce qui est compliqué, c'est l'analyse des rapports de force. Et là, depuis 73 jours, je pense que c'est moins compliqué d'analyser les rapports de force. Mais auparavant, au moment où j'écrivais les chroniques, tout le monde, et syndicats compris, même Sud, CGT, EFO n'a pas marché dans cette combine-là, mais tout le monde, CFDT bien sûr en tête, réclamait plus de psy au téléphone, plus de psy d'urgence, plus d'interventions de psychologues quand les gens ne tiennent pas le coup, soit parce que le travail est trop intensifié, soit parce qu'on leur fait faire, on leur demande de faire, parce qu'on ne les fait pas faire, mais on leur demande de faire des choses malhonnêtes. Donc ça, c'est pas la solution, quoi. Le psy n'est surtout pas la solution. C'est la lutte. Alors avant évidemment de revenir à ce que vous proposez, vous. Eh bien, nous sommes en train d'essayer d'appeler Rennes. Nous sommes presque en train d'avoir Rennes au téléphone parce qu'à Rennes, il se passe actuellement une manifestation sauvage. Et puis, je crois que ça fait assez longtemps qu'elle se passe. Donc, on attend d'avoir Rennes. Ce que je peux dire aussi, c'est que autour de nous, toujours la place de la République est remplie. TV Debout est toujours à côté. Ça s'appelle meubler à la radio. Donc là, je meuble en vous racontant ce qui se passe. Il y a des gens qui écoutent avec grande attention. Il fait bon, le fond de l'air est bon quand même, hein, on peut dire ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On peut dire aussi qu'on a eu une information à Cannes, visiblement. Sophie, toi, tu sais un petit peu, tu as regardé vite fait sur les réseaux sociaux. Pardon, c'est une breaking news comme ça, on ne sait pas trop. Mais que se passe-t-il à Cannes, visiblement, de ce que tu as vu ? Alors, moi, j'ai juste vu qu'il y avait eu une action des intermittents à Cannes et que cette action s'était terminée par l'arrestation de 3 personnes, donc qui devaient être des participants de l'action. Voilà. Mais j'essayais d'avoir des nouvelles un peu plus précises et je n'en ai pas, donc je ne vais pas raconter n'importe quoi. Voilà. Rennes, il y a eu l'évacuation très, très musclée ce matin de la Maison du Peuple qui était occupée depuis presque 10 jours, je crois, et qui a été évacuée par le RAID ce matin à 6 heures du matin, je crois, que c'était assez violent. Et donc, on a vu passer l'information qu'il y avait des manifestations sauvages et que les gens se rassemblaient et que voilà, il y avait des interventions policières, des gaz lacrymogènes qui étaient répandus dans la ville. Donc, on voulait avoir quelqu'un là-bas et voilà. Et cette personne, visiblement, est perdue dans les gaz lacrymo, ou on ne sait pas où elle est. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas Rennes, en fait, finalement. Bah donc on retourne vers Lise pour conclure. On retourne vers Lise, pardon, Lise. C'est Alors Lise, vous disiez donc la solution proposée par beaucoup de syndicats vous paraît un peu aberrante. Et il y a notamment cette idée aussi de reconnaissance que demandent les syndicats vis-à-vis du patronat. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, ça c'est... Enfin... De mon point de vue, la question de la reconnaissance est extrêmement dangereuse. Il est supposé actuellement qu'on s'épanouirait au travail si les supérieurs ou les directeurs avaient plus de reconnaissance envers leurs salariés. De mon point de vue, ça dépend. La reconnaissance, ça dépend de qui elle vient et ça dépend une reconnaissance sur quoi. Quand les gens viennent dans mon bureau et me disent « je ne suis pas reconnue », en général, c'est après m'avoir fait un portrait de leur hiérarchie absolument effroyable avec des gens extrêmement désagréables qui donnent des ordres impossibles à accomplir et qui non seulement sont impossibles à accomplir, mais très souvent sont des mensonges, des arnaques. Et de ce fait... Je pose la question à ce moment-là aux gens en leur disant « mais c'est quand même pas par quelqu'un comme ça que vous voudriez être reconnu ». Parce que être reconnu par des gens pareils, c'est finalement une honte. Voilà. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette histoire de reconnaissance qui est une autre tarte à la crème, de mon point de vue, des organisations syndicales. Mais là, je trouve qu'en effet, il fait bien meilleur depuis... de moi, et qu'on n'a plus du tout ce discours-là, on n'a plus qu'un discours de lutte et de rassemblement, et que ça vraiment, si on pouvait oublier les psychologues, ça serait vraiment la meilleure nouvelle de l'année. Bah écoutez, oublions les psychologues, mais n'oublions pas de lire votre livre, Chronique d'un monde aliéné, aux éditions Dune, de Lise Guignard. Merci Lise. Et donc, nous retrouverons l'AG. J'entasse ma vie à être, je me dis peut-être que ça va continuer, c'est ce pas de compter. Si parfois je me rebive, je lance mes chiffres, je prononce un nombre heureux, soyez-en deux, 140, 810, BJ, FT, 720, 80 et 49, 3. Vous êtes sur Radio Debout. Un peu ce que c'était que Nuit Debout, la nécessité de faire ce que j'appelle un renversement pédagogique dans la mesure où à chaque fois on nous dit il faut expliquer un tas de choses. Et bien là, c'est à nous d'expliquer ce phénomène qui est assez unique à mon sens, mais j'espère que la tendance sera inversée encore une fois. Et aussi autre chose, très important, continuer à relayer tout ce qui se passe parce que, ok, on est entre nous, on est ensemble, c'est très bien, mais on est aussi observé à travers la France, on s'est observé aux États-Unis et j'ai une petite pensée notamment pour la Guadeloupe où on est observé, j'ai ma famille qui vit là-bas et d'ailleurs j'ai fait un petit Skype avec mon neveu et il m'a demandé qu'est-ce qui se passe à Paris et je m'étais dit fallait expliquer Nuit Debout à mon neveu, fallait expliquer Nuit Debout à tout le monde et qu'est-ce que c'est pour moi ? Eh bien c'est un renouvellement de la vie politique, c'est une vie politique des intermédiaires, on n'a plus besoin de structure comme un parti politique qui va rassembler ceux qui veulent, qui va faire organiser la rencontre entre ceux qui veulent faire de la politique et les structures permettant de le faire. Là, il y a une rencontre directe, on y va au culot, on n'a pas peur, donc c'est une très bonne chose. Et autre chose que j'aimerais qui serait importante à préciser, je perds mes mots encore une fois, c'est très embêtant, mais je perds mes moyens là. Vive la malédiction, c'est ce qu'il faudrait dire. Oui, d'accord. On va peut-être aller à l'essentiel à ce moment-là. Une chose. Lorsqu'on nous dit que oui, le monde change, on est dans une société mobile, il y a aussi quelque chose à faire savoir, à mettre en avant, c'est que nous aussi, on est capable d'être mobile. Nous aussi, on est capable de se mobiliser à n'importe quel moment, de jour, de nuit, à n'importe quelle heure. Et autre chose que j'aimerais dire à tous ceux qui ne comprennent pas pourquoi on se rassemble, pourquoi on se rassemble tous les soirs, c'est pas parce qu'on n'a rien à faire chez nous. C'est simplement le fait est que Valls, Hollande, El Khomri, ces gens-là, pour ma part, ils ont changé ma vie. Je suis persuadé qu'ils ont changé vos vies. Et j'espère que Nuit Debout pourra changer le fonctionnement de la vie politique. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci à vous. De retour sur le plateau de Radio Debout. Nous allons maintenant vous diffuser un petit reportage que Bastien a fait sur... c'est Nejba qui l'a monté, mais voilà. sur le... qui annonce la manifestation de demain pour la libéralisation des drogues et plus spécifiquement du cannabis. On est quel jour là déjà ? 53, 54. Samedi, on est samedi. 54. 3, 2, 1. Bonjour Rose, on se retrouve sur la place de la République, là on se samedi 54 mars. Il fait pas très chaud aujourd'hui. Il y a quand même du monde. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'amène toi sur la place de la République ? Alors moi, on s'est déjà rencontrés une première fois le 20 avril. C'était symbolique, cette date du 20 avril, parce que aux États-Unis, le 20 avril, c'est la réminiscence du 420, c'est une espèce de célébration anniversaire du début de la résistance des usagers du cannabis. Et je suis revenue aujourd'hui parce que j'avais encore des flyers à distribuer pour informer de la marche mondiale pour le cannabis qui sera le 14 mai à Paris pour la légalisation du cannabis. Cette marche, elle appelle juste à la légalisation du cannabis ? Les gens qui défendent la légalisation du cannabis sont au courant aussi des injustices qui sont perpétrées face aux usagers de toutes les autres drogues. Donc en fait, on est autant pour la légalisation du cannabis que pour aussi une légalisation accompagnée de toutes les autres drogues, puisqu'elles sont là, puisque les gens consomment. Donc, il faut arrêter de dire que la légalisation amènera plus de consommateurs. C'est complètement faux, il n'y en aura pas plus. Ça s'est prouvé dans les endroits où ça a été légalisé. Je lisais dans le journal, là, il y a quelques jours, par exemple, au Portugal, ils ont créé des chambres d'accompagnement pour les prises de shoot. Ouais. Et du coup, la transmission du VIH est passée de 30% par le biais de seringues à 4%. Ça, c'est un bel exemple de l'encadrement, par exemple, de ce genre de pratique. Ouais. Bah oui, absolument, parce que en fait, quand les gens ne sont pas prêts à arrêter, il y a des moyens pour les aider quand ils sont dans des situations à risque. Par exemple, dans le Maine, aux États-Unis, ils préfèrent que les gens meurent plutôt que de légaliser. Ils préfèrent que la drogue soit dangereuse. Parce que c'est illégal, parce qu'on ne peut pas trouver, par exemple, de seringues facilement, parce qu'on est obligé les gens sont obligés de se shooter un peu n'importe où, parce qu'ils sont obligés de se shooter avec des produits qu'ils ne peuvent pas analyser. Ils préfèrent ça, ils préfèrent que la peur règne, ils préfèrent que la mort règne plutôt que la légalisation. Et voilà, ça c'est un discours de prohibitionniste qui est clair. Ce type est clair, mais en fait c'est un discours qui est mentalement partagé par tous les prohibitionnistes. Et les gens veulent que ceux qui se droguent meurent. Ils ne veulent pas les sauver. Comment ça se fait selon toi que ça ne prend pas plus de place dans le débat public et politique ? Ça prend de la place, mais d'une façon unilatérale. C'est-à-dire que c'est toujours le même discours. C'est toujours le discours de gens qui sont contre. Donc, en principe, quand il y a un dialogue, il faut quand même qu'il y ait des opinions différentes. Et donc, comme il n'y a pas d'opinions différentes, quand ils parlent entre eux, ce n'est pas tellement intéressant, parce qu'ils sont tous contre. Donc, il n'y a pas... voilà, qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit d'en parler d'une façon positive, ou d'une façon honnête. Il n'y a pas de discours possible, il n'y a pas moyen. Si les gens disent « oui, c'est mal », bon, évidemment, ils envoient des flics dans les écoles pour dire aux élèves, leur faire peur, leur dire que c'est très grave, qu'il ne faut absolument pas toucher à quoi que ce soit. Bon, alors les enfants, ça leur fait peur ou pas, on ne sait pas. Hein. Ils nous font croire toujours ce qu'ils veulent. Hein. Ils comprennent aussi plein de choses. Mais voilà, ce n'est pas une bonne méthode pour rendre les gens plus forts par rapport à ces produits-là. Quoi. Il faut arrêter. L'autre jour, enfin, j'ai lu une étude, c'était un an ou deux, que malgré la forte répression en France concernant l'usage des drogues, la France est dans l'Union européenne et un des pays qui en consomme le plus. Ouais. Ça montre bien l'échec des politiques de répression. C'est pour faire peur aux gens et pour leur faire croire que les choses sont sous contrôle, alors qu'elles ne le sont absolument pas. De retour, place de la République, nuit debout, Arthur nous a rejoint. Bonsoir. Salut Manon. Et nous accueillons Bobo, bonsoir. Artiste, bonsoir, artiste plasticienne urbaine. Exact. Et féministe, on peut le dire. Oui, oui. Allez, osons-le. Ah oui, on peut. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi consiste ton art ? D'accord. Moi, je suis effectivement artiste plasticienne et urbaine. Alors, urbaine depuis 2012. C'est-à-dire que j'ai commencé par travailler en atelier. Et puis, à un moment donné, j'ai voulu montrer mon travail. Et donc, j'ai contacté des galeries et je n'ai eu aucun retour. Donc j'étais un peu surprise, j'avais l'impression que mon travail était intéressant, donc je pensais qu'on allait m'exposer assez rapidement. Et puis donc pas de réponse, rien, blanc, enfin rien du tout. Et j'ai lu à ce moment-là un article qui disait que 80% des artistes qui étaient exposés en galerie étaient des hommes. Et donc je me suis rendu compte que j'avais quand même peu de possibilités d'y entrer. Et donc je me suis dit, je vais aller dans la rue, comme ça au moins je partagerai mon travail avec le public. Donc c'est comme ça que je suis devenue artiste urbaine, donc c'était vraiment un acte féministe. Et donc depuis 2012, je suis dans la rue et je travaille donc sur le thème de la mise en valeur du féminin. Alors pour vous expliquer pourquoi ou ce que c'est que ce truc-là, c'est qu'à force de lecture, d'exploration, etc., d'autres personnes ont vu ça avant moi et donc moi je l'ai lu, les valeurs humaines sont séparées en valeurs masculines, enfin dites masculines et valeurs dites féminines, ce qui au départ n'est pas vraiment un problème. Le problème intervient quand les valeurs masculines sont considérées comme les références de nos sociétés et les valeurs féminines sont sans valeur et inadéquates, on va dire. Et c'est un vrai problème puisque ça handicape et les hommes et les femmes. Les hommes sont coupés de la moitié d'eux-mêmes et les femmes sont carrément... on dit aux femmes, vous n'êtes pas, enfin ce que vous êtes n'a pas de valeur. Et moi je trouve ça grave, ça, on a l'impression, quand les gens se demandent pourquoi ils vont mal, c'est surtout pour ça en fait. À partir du moment où on n'a pas le droit... D'avoir été catalogué comme ça dans des... Oui, puis surtout à partir du moment où tu n'as pas le droit d'être un être humain entier... Tu peux pas aller bien. Enfin, si tu dois rejeter les valeurs dites féminines, ça n'a rien de féminin, la douceur par exemple, mais si tu dois les rejeter parce que tu es un homme, je vois pas comment tu peux être construit sainement. Et également, enfin, la même chose pour les femmes, si tu peux pas être agressive parce que tu es une femme, ou si tu être douce, c'est quelque chose de pas bien, tu peux pas te développer sainement. Mais votre travail, d'abord parlons peut-être de votre travail. Alors j'y arrive. Cher ami, je parle de mon travail quand je veux. Non mais... Donc voilà pourquoi je travaille sur la mise en valeur du féminin. Et pour parler du féminin, je voulais utiliser un symbole qui soit le féminin. Et je me suis pas mal questionnée. À un moment donné, j'ai choisi le dessin symbolique de l'utérus parce qu'on démarre tous là, à égalité, homme-femme, il n'y a pas de différence, noir-blanc, enfin... Voilà. Et donc j'ai utilisé ce dessin dans tous mes travaux. Absolument tous. J'ai fait toute une série pendant quasiment 10 ans, que ce soit en broderie, donc qui est un travail d'atelier que je présente en galerie, ou alors dans la rue où je fais des masques avec des utérus dedans. Je fais une série aussi qui s'appelle Pac-Man versus Tetris, où Pac-Man représente le grand méchant masculin et Tetris c'est le féminin et Pac-Man veut absolument manger tous les féminins qui traînent. Voilà, donc j'ai fait pas mal de séries sur ce thème-là. Et puis autrement, dans la rue, j'ai aussi tagué des noms de femmes qui m'inspirent en crochet. En crochet, voilà. C'est ça. Où est-ce qu'on peut voir Là, en ce moment, il n'y en a pas parce que ça part vite dans la rue. Les gens les prennent ? Ils les prennent, la mairie les nettoie, ça dépend vraiment de l'emplacement. Donc il les décrochette. Où ils coupent avec des pinces, je ne sais pas comment ils font. Ouais. Ce qui est collé en papier, ça c'est décollé avec du karcher, la pluie les décolle, ça tombe au sol. Vraiment, ça c'est. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout, donc ils les arrachent. Ouais. Et toi, ça te dérange que ce soit enlevé ou Non, c'est éphémère. Donc, à partir du moment où tu les mets dans la rue, ça ne t'appartient plus. Ouais. Moi, ce que j'aime bien perso, c'est que ça reste 2-3 semaines. Ça me fait plaisir. Je me dis qu'il y a des gens qui les ont vus. Et puis après, ça va. Si ça reste plus longtemps, c'est cool. Quand ça reste une journée, 2 heures, c'est plus difficile. Mais tu n'es pas resté que dans la rue. Tu as été également exposé en galerie quand même. Ouais. Je suis allée un peu... Bon, c'est un peu moins fun, mais... Ouais. Parce qu'on rentre vraiment là dans le mercantile. C'est-à-dire qu'on vous expose... je ne devrais pas le dire, mais on m'expose parce que je suis street artiste. Ouais. À un moment, je ne suis même pas sûre que ça intéresse vraiment à mon travail, donc... J'aurais pas dit des choses comme ça parce que plus personne va m'exposer. Mais c'était moins drôle, ouais. D'accord. Et le choix de ton nom ? Bobo. Bobo, c'est la déesse des rires obscènes dans la mythologie grecque. Alors, Bobo, elle a les yeux à la place des seins et la bouche à la place du sexe. Et elle fait des blagues grivoises par le sexe. D'accord, très bien. Voilà, donc je l'ai choisi parce que je trouvais que c'était un super symbole. Ok. Et tu es venu avec un texte que tu écris aussi également. Oui. Est-ce que tu veux nous lire, nous le présenter d'abord? Ouais, c'est un texte que je viens d'enregistrer. C'est un rap, mais là je vais vous le faire plus, on va dire, slammer. Je vais vous le faire. Ça. Je sors le clip jeudi. Voilà. Ça s'appelle Chips. Ah oui, mon joli, je suis si heureuse de me frotter à vous, que vous embrassez bien et que votre parfum m'est doux. Ah oui, oui. Ah non, mais non, Déjà, votre main s'agite dans ma culotte. Allons bon, n'avez-vous pas remarqué ce corps tout autour? Mais grand Dieu, lâchez donc cette marotte que vous astiquez comme une bête de concours. Oui, cher ami, revenez avec moi et songez à ma peau qui se fait impatiente en ces temps coloniaux. Il relève la tête, me regarde et s'exclame qu'il a l'air de se soucier de mon régal, le bienheureux. Et voilà la vigoureuse qui repart à l'assaut. Et nous n'en sommes qu'à la main du petit maestro. Et elle fonce, la joyeuse. Elle fond dedans comme dans un paquet de chips, avec en tête cette seconde de bonheur qu'elle nomme Apocalypse. Moi je chuchote, y'a rien au fond, je te dis. Mais il n'entend rien m'entendre à mon anatomie. Et tandis que fourrage sa complice auxiliaire et que s'infiltre entre nos cœurs un petit souffle d'air, une autre impétueuse se prépare avec l'amour, on ne badine, alors que le vent de l'ennui me parcourt l'échine. Mais non, reprenez-vous, gentes dames, voyons, ce n'est que le début de cette grande aventure. Petite infâme que vous êtes face à tant d'applications et de ce sens aigu de la mesure. Soudain, c'est la lutte finale. Le centre du monde est assiégé. Pourtant, du côté de ma cahute, le froid est sidéral. J'en appelle à tous les dieux. Va falloir me réchauffer. Mais voilà que je fais la toupie, à défaut de faire la planche, que je découvre le grand 8 en même temps que l'acrobranche. Mon mignon a un objectif, il veut battre son record. Il est impératif que ma jambe se détache de mon corps. Il fignole les détails, ne compte pas ses heures. La cabriole est une question sérieuse pour cet esprit frappeur. C'est même une question de taille que j'évite de poser. On risquerait l'œdème à trop rigoler. Alors je traverse les airs seul sur mon radeau, pendant qu'il continue sa partie de Mikado. Et soudain, moi, grande sportive devant l'éternel, accrochée à l'esprit d'équipe comme Nicolas à Pimprenelle, je m'écris « Cher monsieur, cessez instamment ce labour, vous me donnez le mal de mer. Les enchères sont finies, vous ne m'avez été donc un secours, je vais le dire à ma mère. » Bravo, voilà. Alors Bobo, vous êtes pas venue toute seule? Non. Vous êtes avec quelqu'un qui connaissait toutes les paroles, en fait. Et il est un... Non, c'est pas vrai. Il s'appelle Cosette. En tout cas, Cosette avait les lèvres qui étaient en train de mimer pendant que vous récitiez. Eh ben, c'est que j'ai dû le faire. Hein. Ouais. Il a beaucoup entendu. Bah, il a tourné avec moi en plus le clip là, en début de semaine. Ouais, tu le connais bien, le texte. Hein, oui, je le connais bien. Ouais. Tu pourrais presque le faire. Et qu'est-ce que t'en penses du texte? Bah moi, je veux pas dire que je trouve ça nul vu qu'elle est juste à côté. Non, j'aime beaucoup ce qu'il dit. À chaque fois qu'elle le fait, ça me fait rire. Et puis j'aime bien le message que ça dit. C'est quoi le message pour toi alors? Ah, le message, pour faire un résumé, c'est... qu'est-ce qu'on pourrait faire comme résumé? Ouais, c'est une femme qui a... Enfin, c'est un texte féministe déjà, donc moi j'apprécie beaucoup. Et en plus, c'est une sorte de... Bon, tu veux pas résumer plutôt? Vas-y. Non, bah c'est une expérience sexuelle qui se passe pas tout à fait comme on aimerait. Voilà, c'est ça. Et donc Cosette est votre fils? Exactement. Donc c'est une façon de lui apprendre des choses sur la vie? Ou c'est pas je pour pense lui? Qu'il a pas besoin de moi, hein, franchement. Grand et émancipé. Hein. Tu lui as quand même transmis des valeurs. Par contre, j'ai déconstruit toute l'éducation que... Enfin, tous les échanges qu'on a eus, j'ai déconstruit cette société, pour moi, une société de domination. Ce n'est pas uniquement, d'ailleurs, au niveau du féminisme, c'est aussi des rapports de domination au quotidien. Comment les gens s'écoutent, ne s'écoutent pas. Comment l'irrespect, pour moi, est la valeur la plus répandue entre les êtres humains. Enfin, voilà, donc on a, quand il était petit, tout ça, on déconstruisait tout ça. Maintenant, je n'ai plus besoin de le faire, forcément. Enfin... Comment vous faisiez, alors, concrètement? Je suis allé à la commission éducation il y a une quinzaine de jours, quand on a... commencé la radio et j'ai suivi beaucoup des débats de la commission éducation et beaucoup des gens qui se parlaient là-bas, donc des éducateurs, des profs, des sociologues, des parents, avaient une chose en commun, c'est qu'ils avaient beaucoup de problèmes avec toutes les images sur Internet et les vidéos et déconstruire ça beaucoup. Qu'est-ce que vous aviez à déconstruire? Il est un peu plus âgé peut-être. Ouais, et puis surtout... ouais, Internet, t'étais pas tellement dessus. Enfin, c'était... Non, c'est plus par exemple à l'école, à un moment donné, il y avait eu un cours, la prof avait dit, ou le prof, je sais plus, avait dit les filles vont faire de la danse, les garçons vont faire du foot. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Il faudrait de l'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau quelque part? Mais oui, c'est Radio Debout, on a même de l'eau. Et donc, ça va revenir, hein, la voix va revenir, je vais parler comme ça pour l'instant. Et moi, j'avais écrit... C'est incroyable ça. Ouais, c'est parti. Il va falloir vous occuper le truc. Là. C'est ça. Je suis désolée, mais il n'y a plus de voix. On va demander à Cosette. Cosette, qu'est-ce que Bobo, votre maman, a dû déconstruire? En fait, à chaque fois que je revenais de l'école, tout ça, je parlais avec elle directement et on a parlé effectivement de la différence entre le traitement des femmes et des hommes rien qu'à l'école, où par exemple la plupart des filles étaient sur le côté de la cour alors que tous les garçons étaient au milieu en train de faire du foot, prenaient tout l'espace de la cour et on voyait les filles qui regardaient les garçons jouer alors que nous, les garçons, les hommes, on était en train au milieu de jouer tranquillement sans se poser vraiment de questions. L'espace était à nous, alors que les femmes, les filles, rien qu'à 6 ans déjà, elles se disaient bon, bah, on va prendre toute la place. Alors que moi, en tant que garçon, je me suis jamais posé la question. L'espace était pour moi parce que j'étais un homme, tout simplement, point barre. Donc voilà, déjà à 6 ans, tu vois bien la différence. Bon, quand t'as 6 ans, tu fais pas forcément attention, mais après, quand t'en parles, tu vois bien qu'il y a une différence, voilà, rien que ça. Et donc ça, c'est une manière de lutter aussi au quotidien. Oui, c'est comme par exemple, alors là je parlais du cours, donc moi quand il m'a rapporté ça, j'ai écrit un mot au prof en disant comment ça, s'il veut faire de la danse, il fait de la danse, et les filles, si elles veulent faire du foot, elles font du foot. Donc ça secouait un peu à l'école, puis du coup lui, il entendait ça aussi, donc c'était une ouverture sur plein de choses. L'autre truc, c'est par exemple les toilettes, c'est complètement con ce que je veux dire, ça paraît con, mais pour moi c'est essentiel, les toilettes pour les garçons. Alors pour les petits garçons, puis pour les hommes, c'est ouvert. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'intimité au niveau des toilettes. Ils se regardent tous la bite. Enfin, comment c'est possible? Comment c'est possible? Comme si nous, on se regardait la foufoune. Enfin, c'est-à-dire on empêche les gars. On dit aux garçons, vous n'êtes qu'un. Vous êtes un groupe. Et vous êtes le groupe de dominants. Et vous allez devenir des soldats et vous allez les tuer ensemble. C'est un peu ça le truc. Alors que les garçons sont des individus. Donc, le fait de les faire pisser ensemble, ils n'ont qu'une bite en fait, donc ils peuvent violer ensemble. Enfin, c'est toute une éducation qui amène aux agressions sexuelles, qui amène au viol, etc., à la violence, puisque les hommes n'ont pas le droit d'être un individu, ils sont obligés d'être un groupe. Ça, c'est les toilettes ouvertes, alors que nous, on peut fermer la porte. On a des petits paravents quand même, c'est vrai, entre les yeux. Ouais, bah, vraiment. Ouais. Donc ça, on en avait parlé aussi quand t'étais plus petit, parce que toi, tu comprenais pas. Lui, il me disait, mais je comprends pas, j'ai dit, les autres garçons, ils peuvent regarder ma bite, enfin, mon zizi. J'ai dit, bah ouais, c'est pas normal. J'ai dit, tu devrais avoir droit à l'intimité aussi. Et pour moi, ça, c'est une construction pour empêcher les garçons de se développer aussi vers quelque chose de moins agressif. On leur demande d'être un seul. Oui, j'entends. Donc ça fait un groupe de combattants, ou de soldats. C'est pour ça qu'ils sont éduqués, hein, c'est pour aller à la guerre après. C'est ça que veulent les gouvernements, hein. C'est avoir une main d'œuvre qui va aller près au front et se faire tuer. Hein. Et nous, on va pondre. Les deux rôles. Et donc ça, forcément, c'est des trucs à déconstruire. Ouais. Et ton rapport à Nuit Debout, à ce qui se passe en ce moment, la place de la, alors place moi, de je suis, la République, ouais, je suis pas venue, regard ouais, ouais. Je suis pas venue, mais j'ai suivi beaucoup sur Internet. Alors, j'ai suivi beaucoup par les féministes, parce que forcément, sur les réseaux, je les ai comme amis, Facebook, machin, etc. Moi, au départ, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que les mouvements populaires, je trouve ça vraiment important et intéressant. Là où. Fait une grimace. Ouais, ça marche un peu sur des œufs, c'est que j'ai commencé à lire que le mouvement commençait à être pris par deux hommes qui prenaient un peu le mouvement en main et que ces hommes-là n'étaient pas féministes. Alors, moi, je veux bien un nouveau mouvement populaire, mais si le nouveau mouvement populaire, c'est l'anticapitalisme, l'antiracisme, mais qu'on s'en fout du patriarcat. On va refaire la même chose qu'avant, et du coup, là, moi, ça m'intéresse plus du tout. Il y a une commission féministe ici sur la place qui veille. Oui, elle veille. Mais si les deux qui prennent le mouvement en main ne veulent pas réveiller leur conscience féministe, on aura la même chose qu'avant. Mmh. On aura le même. On aura une gauche qui est pareille que les autres gauches, qu'on croyait être gauche. Mais on aura un mouvement qui se battra contre le capitalisme, contre le racisme, et puis le truc des femmes, là, enfin, un truc de bonne femme, comme dit Lelouch, là. Personne s'en occupera. Donc on aura le même mouvement. Enfin, si la question féministe, pour moi, c'est une question centrale. À partir de la domination masculine, toutes les dominations s'échelonnent. Si on ne veut pas s'occuper de la domination masculine, rien ne bougera. On recommencera la même chose. On aura des hommes blancs bourgeois à la tête. Et puis peut-être quelques, à nouveau, noirs, arabes quelque part. Peut-être quelques femmes, mais on fera la même chose. Donc j'espère que si ces deux hommes prennent ce mouvement, j'espère qu'ils vont réveiller leur conscience féministe. Voilà mon point de vue. Peut-être aussi parce que l'égalité est censée être déjà acquise. C'est... Bah oui, mais elle ne l'est pas, on le sait. Hein. Non, mais... On le sait qu'elle ne l'est pas, du tout. On est quand même dans un pays très, très, très, très conservateur là-dessus. Hein. Donc ce soir, c'est la première fois que vous venez. Oui. Qu'est-ce que... Bah vous moi, avez eu le temps de vous promener ou pas? Non, je suis arrivée directement à la radio et j'ai pas été regardée. Et par contre, Cosette? Ah, il t'en veut, hein? Lui, il t'en veut, hein? Ah. Ouais. Donc, est-ce que c'est toi qui as convaincu Bobo d'y aller? Ouais. Non, c'est Manon qui lui a dit de venir. C'est pas moi. D'accord. Moi, je suis. Toi, t'avais essayé, mais t'avais pas réussi. Ouais, non, je suis venu avec des amis pour voir comment ça se passait. Et ouais, j'ai bien aimé. Voilà. Et tu trouves que ça manque de prise de parole féminine? T'avais remarqué ça? Ouais, bah moi je suis allé rapidement voir ce que disait le mouvement féministe, le mouvement dit non mixte. Et j'ai écouté ce qu'elle disait et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Très concrètement, c'est-à-dire que dans début de soirée, les commissions s'assemblent, sont en cercle, ouais, par terre. Ouais. Donc la non-mixte, c'était que des femmes qui avaient le droit de prendre la parole. C'est ça. Par contre, commence comme ça, en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Par contre, on a le droit d'être debout autour, même si on est un homme. Ouais, c'est derrière, derrière le petit ruban coloré. Derrière le petit ruban. Ouais, voilà. Qui passait 20 heures. Ouais, donc ça commence par être non-mixte et ensuite, ça devient mixte. C'est ça. Donc tu vois, tu étais autour, derrière le ruban et tu écoutais. J'écoutais, oui. Très attentivement. Voilà. Et tu as rapporté un peu ce qui se disait à Bobo? Ouais, je lui ai dit, je lui ai tout dit ce qui se passait. Et puis, bon, on avait déjà parlé de tout ça, donc, enfin, on en avait déjà discuté de tout ça. On est très au courant, enfin, moi je suis très au courant féminisme, on en parle beaucoup. Et voilà! Voilà! Est-ce que Bobo, vous reviendrez? Où? Ici? Physiquement, non. Non. Parce que je suis pas venu avant et que quand il y a trop de monde, je suis pas très bien. Mais par contre, je vais suivre. Ouais. Moi, je suis. Tu pourras écouter la radio maintenant. Et je suis debout depuis longtemps, donc je vais continuer à être debout. Debout dans la rue. Voilà, c'est ça. Exactement. Bah, super, merci. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci beaucoup d'être venu, Bobo. Et puis. Là, on passe à un petit son que va nous présenter Sophie. Merci beaucoup. Oui, voilà. Alors, merci Bobo, merci Cosette, merci Arthur, merci Manon. Et on va écouter une chanson qui nous a été apportée par Samuel. C'est une chanson de Luke Lawson. Et c'est une chanson qui va vous parler de Monsanto. Et alors, vous allez peut-être remarquer qu'à la fin de la chanson, il y a énormément de voix qui viennent s'ajouter à celles du chanteur. Et alors, ces voix sont celles de tous les participants de l'AG. Attention les oreilles. Thank you. Quand l'être humain se réveillera de cette aveugle tragédie, quand le vivant face au profit aura enfin repris ses droits, alors l'humain se lèvera, empli d'espoir et d'énergie, armé de choux et de radis, et tout le monde chantera Monsanto. Monsanto, ravale tes artichauts. Merci beaucoup pour cette chanson. Et nous sommes avec Arthur. Alors Arthur, vas-y. Un petit breaking news en direct de Radio Debout. Salut Clémence. Je suis avec Anna Psaroudaki qui nous vient d'Athènes et qui sera là dimanche en fait. Donc je voulais juste qu'on parle peut-être 30 secondes avant de repartir à l'AG. Est-ce qu'il y avait une assemblée générale Place Syntagma en 2011 quand vous avez occupé à Athènes? Absolument, c'est une occupation, si on peut dire ça, qui a commencé le 25 mai 2011, donc, et qui a duré à peu près 3 semaines. Et donc, il y avait une assemblée générale, comme ici? Tout à fait. Et ça durait, c'était une occupation tout 24 heures sur 24, ou c'était seulement le soir, comme ici? C'était actif plus ou moins le soir, mais c'était une occupation sur 24 heures. Donc, les gens dormaient là-bas, il y avait des tentes, c'était organisé de cette manière. Mais ça a été évacué plusieurs fois, donc... Comme ici. Donc on a la Global Nuit Debout qui sera dimanche, et donc Anna va revenir nous parler de l'occupation de 2011. Oui, je voulais juste faire un petit point sur ce qui s'est passé à Cannes, où en fait l'action qui a été menée par la coordination des intermittents et précaires, c'était le déploiement d'une banderole pendant la montée des marches du film de Ken Loach, et qui disait, cette banderole disait « Démocratie, mon cul, bloquons l'économie ». Voilà, et la banderole a évidemment été retirée très vite. Il y a eu 3 personnes qui ont été interpellées et conduites au commissariat de Cannes. Donc la CIP demande leur remise en liberté immédiate et dénonce le fait qu'il y a des milliers de serveurs, de personnels de ménage, de vigiles, de chauffeurs et de techniciens qui sont aujourd'hui employés pour le festival et qui vont, après 10 jours, retourner à la précarité. Voilà. Et je vous rappelle le slogan de la CIP, ce que nous le demandons pour tous. Voilà. Et on revient à l'Assemblée Générale. Qu'on signe le traité TAFTA pour les meilleurs échanges économiques. Mais il ne faut pas se douter, ils nous trompent, ils nous abusent. Aujourd'hui, il y a peut-être une poule aux œufs d'or en France, mais ils veulent plutôt garder l'argent de cette poule aux œufs d'or. Disons d'une bonne travailleuse qui a des idées. Je ne peux pas dire autrement, mais c'est vrai que l'argent est représentatif, ce n'est pas un serpent monétaire d'une Europe qui se fragmentise, on voit la Grèce. Vous savez comment j'ai un peu dérangé, vous allez dire que je suis un peu surprenante, mais pour déranger le premier pacte contre la Grèce qu'ils ont fait au niveau de l'Europe, je vous assure que comme travailleuse, je mangeais que de la cuisine grecque tous les midis dans mon travail. Et je vous assure que j'ai gelé comme ça des Pâques, et si je veux manger des kebabs, ben je dérange autant la communauté musulmane. Je suis en même temps française, Je suis née à Paris. J'ai eu la surprise de voir que notre fiche d'état civil est de 4 formulaires différents, où on est compacté comme de la viande, enfin, disons, au niveau international. Allez dans les mairies, cherchez les 4 formules de la fiche d'état civil. Vous verrez, il y en a 4 formules. Sans les parents, avec les parents, la réelle comme on connaissait depuis le temps, et aussi une complètement numérique, simplement utile à l'international. On est du package des bestiaux aujourd'hui. Quand elle parlait l'immigré, je me suis mariée avec un Tunisien. J'ai divorcé après. J'ai vu que la coquille qu'ils avaient fait dans mon jugement de divorce à Bobigny, bêtement, ben, au lieu de prendre mon nom, ils ont rajouté une petite coquille, une petite lettre. Mais dans le début du procès, c'est un nom Katara. Et dans la fin, bien sûr, c'est mon nom, le réel. Alors, ils font comme ça à jouer d'une balle, à dire jusqu'à quand, en pressant et en muselant le peuple. Alors, c'est vrai que je l'ai fait d'une manière peut-être audacieuse, peut-être vous n'avez pas tout compris. Mais enfin, lisez, moi, je ne lis qu'une seule chose, c'est le canard enchaîné, je m'exprime par mon Facebook, c'est tout. Mais je suis très contente de l'association et n'oubliez pas que la sécurité sociale protège avant tout et elle est remarquable, notre française, enfin celle qui la défend, pour sa liberté de vie. Comme l'intervention est remarquable, Stéphane, Touffe. Salut tout le monde. En fait, moi, je suis pas là pour vous dire ce que je ressens ou ce que je... Ben voilà, mais j'ai envie de vous sortir certaines citations de gens qui ont eu le temps de réfléchir et de comprendre ce qui nous arrive un petit peu en ce moment-là. La personne dont je parle, elle est morte il y a bien longtemps. Elle s'appelle Paul Valéry. C'est un écrivain... philosophe, tout ce que vous voulez. Et donc, je vais juste citer certaines de ces citations. Est-ce que vous voulez les entendre ? Oui ? La première, elle dit « La politique est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. » D'accord ? Bah, fais un signe quand t'es content, sinon j'en redonne pas d'autres, il y en a d'autres. Hein. La faiblesse de la force et ne croire qu'à la force. C'est bon ? Il n'y a personne qui aime ce que... Bah, mais c'est pas de moi, de toute façon. Le mensonge et la crédulité... Ça couple et engendre l'opinion. Il y en a plein d'autres, hein. Vous voulez encore ou pas ? Je me sens seule ce soir, j'ai pas envie de dormir, j'ai un peu le cafard, j'ai pas envie de mourir. Cherche son adresse au milieu d'Internet. On m'a dit mixer, mais je sais pas l'écrire. Il paraît que c'est bien. J'en ai vraiment besoin. Oui, un long jingle musical pour enchaîner avec un moment musical. Nous avons rencontré Christiana, qui est allemande, mais qui vit et étudie à Paris et qui chante. Et qui a un guitariste, Tim. Voilà. Et ben, c'est à vous. So in love with you. darling, please save your love for me. Run away. If I were wise, I'd run away. But like a fool, in love I stay. And pray you'll save your love for me. I can feel it, even when you're not near. Can't conceal it. I really love you, my dear. And though I know no good will come from loving you, I can't do a thing. I'm so in love with you. So darling, help me please. Have mercy on a fool like me. Although I'm lost, still I plead that you will save your love for me. Bravo team. Et alors ce qui était assez beau, c'est que pendant que vous chantiez, vous ne l'avez pas vu, mais derrière vous, des gens s'embrassaient. Et c'est vrai que ça a déclenché un baiser fou qui était assez beau. Et je trouve que... non, mais c'était derrière vous, c'était là, le tableau était assez joli. Et je crois que... Je pense même qu'on pourrait encore une fois retrouver la chronique cœur de Lise Marie ce soir à ce propos, bientôt, qui pourra nous le prouver encore. Ah, il y a une chronique cœur, oui, c'est vrai, la chronique cœur. Donc voilà, c'est vrai que la musique adoucit les mœurs, la musique est aussi importante ici sur cette place. Et pour vous, comment est-ce que ça se passe voilà, Nuit Debout, vous êtes déjà venu De quoi? Je n'entends pas. Ah, il n'a pas mis le casque. Ouais, c'est bon, Tim n'a pas mis le casque. Je réitère ma question, du coup. Je demandais, est-ce que vous êtes déjà venu à Nuit Debout? Pour vous, qu'est-ce que ça signifie de chanter sur la place? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah, on a Je suis déjà allé deux après-midi, en fait. Mais pas la nuit. C'est la première fois que je viens à la nuit debout. C'est pas mal, quand même. Mais j'ai bien suivi l'engagement, en fait, parce que c'est vrai que ça m'intéresse bien, ce mouvement citoyen. Quoi. Enfin, ça permet de voir que les choses peuvent bouger, peuvent changer. Quoi. Et le fait de jouer de la musique, bah, c'est un peu ce que je sais faire, en fait. Quoi. Donc, si je peux essayer de partager le plus de personnes possible et pouvoir essayer de faire passer des messages, bah, franchement, pourquoi pas. Quoi. Et c'est ça le but de la musique pour vous dans un espace comme ça? Bah, c'est à la fois bah, peut-être de comment dire, créer des moments comme ça, comme les gens qu'on peut s'embrasser derrière, quoi, c'est-à-dire un moment un peu magique comme ça, d'entendre de la musique dans un coin. Et ça peut être aussi, ouais, à travers un message, à travers une chanson qu'elle chante, ça peut être un message fort. Et est-ce que il y a encore une chanson? Est-ce que vous pouvez encore nous chanter quelque chose? Ouais. Oui, on peut. On essaye. Oui, okay. Allez. Alors. Donc les musiciens se mettent en place. Ça s'accorde. Toujours en direct sur la place de la République à Paris. Est-ce que tu m'entends ma voix ? 74 mars. Et le mouvement ne désemplit pas. Vous vous êtes rencontrés comment ? Musicalement, je veux dire. Oui, c'est ça. En fait, c'est un ami en commun qui nous a contactés pour travailler, en fait, parce qu'on a joué pour des événements ou des soirées privées. Et c'est grâce à un ami, comme ça, on a fait la connaissance. Et donc ça, c'est des standards que vous jouez, là ? On a joué un standard, ouais. Exactement. Et maintenant, on va jouer un compo, d'accord, moi. Ok, à et toi. Oui, ça s'appelle, c'est en anglais, ça s'appelle Little by Little. Little by Little. Et quel est donc le nom de votre groupe ? Enfin, parce qu'on on est juste, non, pas juste... Vous n'êtes pas encore un groupe. Non, c'est pas ça. Non, mais on est deux musiciens, quoi, c'est ça, et Christiana et Tim. Et on bosse ensemble pour des projets. Et après, on a aussi nos projets à côté. C'est, ouais, il n'y a pas un nom de notre groupe, mais il y a nos noms qui est un peu trouvé et recherché. Et comment s'appelle la chanson que vous avez jouée ? On avait joué Save Your Love For Me. C'est une chanson de Buddy Johnson. C'est tout à fait un standard de jazz. Et maintenant, c'est Little by Little. Little by Little. Exactement. C'est parti. Lost in the habit, completely and savage, strummed by his body and mind. Just a brief moment, a common hello, but in that brief moment, drawn into a show, instantly raptured by what you expose, what I could disclose. What to do with our ignorant ways? What's to dream from a few happy days? The nuances of images drawn, the songs that we lived, the thoughts we fed on. Just a hint of the tune I had sung, fingerprints on the tower we climbed on. The nuances of images drawn, just one more story of what we could have been. One of these days we'd fall prey to the curse. We cannot fight it, we're swept by the wind. I feel it begin. Little by little, we will drift apart. Little by little, you'll take back your heart. I cannot fight it, you're swept by the wind. Give it my sadness, our wholeness, our happiness. I'll give it our moments divine. Merci beaucoup. merci à vous, super. Vous avez fait lever le vent sur la place. Merci beaucoup. On va aller à l'AG tout de suite. Sur mon expérience de la France et de mon passé, donc je suis fier, et non parce qu'on me l'a dit. Donc, il a fallu plus de je sais pas combien d'années pour que les femmes obtiennent le droit de vote. Combien faudra-t-il de temps pour effacer les cicatrices d'une lutte de classe qui ne pouvait avoir lieu sans un durcissement de chaque côté ? Donc c'est une question que je pose, ça, pour la liberté. L'expérience nous a convaincus que la lutte offrait au gouvernement des occasions infinies pour un nouveau massacre d'aveugles de notre peuple. Mais c'est précisément parce que la France est déjà imbibée du sang de Français innocents que nous sentons qu'il est de notre devoir de nous préparer à long terme afin d'utiliser la lutte avec force pour nous défendre contre la force. Si la lutte est inévitable, nous voulons que le combat se conduise dans les termes les plus favorables pour notre peuple. Actuellement, le combat qui nous offrirait les meilleures perspectives et qui comporterait le moins de risques pour les vies des deux côtés serait l'attribution de 60 sièges à l'Assemblée nationale et l'élection d'un parti politique qui représenterait l'immense majorité des intérêts du pays, c'est-à-dire les travailleurs, le peuple, nous, ce qu'en chie, quoi. Donc, je défends la conception de la liberté et d'accomplissement pour le peuple français sur sa terre. Le document politique pour moi le plus important est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je ne défends pas un changement révolutionnaire dans la structure économique du pays. Mais mon objectif principal est que les travailleurs obtiennent l'unité et des droits politiques entiers. Je cherche à concilier les distinctions de classe. Donc c'est pour ça qu'on en revient à discuter avec tout le monde. Alors ensuite, excusez-moi. Alors, nous ne plaignons pas d'être pauvres par rapport aux autres peuples, mais d'être pauvres en comparaison avec les dirigeants, les bourgeois de notre pays, et ce que la législation nous empêche de rétablir l'équilibre. On l'a vu là avec LuxLeaks, là, et le mec, il dénonce quelque chose, mais les mecs sont protégés par la loi. L'absence de dignité humaine que nous connaissons est le résultat direct de la politique de suprématie bourgeoise et élitiste. La suprématie bourgeoise implique l'infériorité du peuple des travailleurs. La législation qui a comme but de protéger ces élites et ces bourgeois renforce cette notion. Voilà. Donc, voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, c'est ça. Pour moi, les Français et les travailleurs veulent une part juste de la France. Ils veulent la sécurité et un repère dans la société. Et avant tout, nous voulons des droits politiques égaux, parce que sans eux, notre impuissance sera permanente. Je sais que cela semble révolutionnaire, parce que les Français, travailleurs, travailleuses, constitueront la majorité des électeurs. À cause de cela, les bourgeois, les élites ont peur de la démocratie. Et c'est pour ça que je pense que nous combattons actuellement et que notre lutte est vraiment nationale. Et que c'est une lutte des travailleurs, travailleuses français qui inspire ses souffrances et sa propre expérience. Et pour finir, pour moi, c'est une lutte pour le droit de vivre. Merci. Encore Stéphane et Jérôme. Est-ce que Stéphane et Jérôme sont là ? Et du coup, on passe à Billy. Billy. Merci. Excusez-moi, bonjour. Il y a une question que je me pose. Vous qui êtes ici, là, à République, une question. Approche le micro un peu pour qu'on t'entende bien. Oh. Mets le micro plus près de ta bouche, comme ça on t'entendra bien. D'accord. Bon, moi j'essaie de faire une révolution et je vous mets tous à l'épreuve. Ne pas voter pour 2017. Joseph, un Gaulois, la Mayenne, Laval, Joseph. Et j'en ai marre d'être chez moi en France, dans mon pays, et de faire le mendiant. Et personne ne veut m'aider. J'y viens chez moi. Pensez aux handicapés qui n'ont pas de mains ni de jambes. Pensez à ces gens-là. Tout le monde se plaint de ce qu'ils ont dans leur vie. N'avoir un toit, manger, se laver, dormir. Il faut qu'on arrête là. Chez vous, ici, à Paris, j'ai remarqué une chose. Je vais peut-être déclencher une troisième guerre mondiale, je m'en fous. Mais je suis chez moi ici, dans mon pays, en France. Et je me suis battu contre l'Assemblée nationale. J'ai la main cassée. Ça m'a valu quoi ? 8 heures de garde à vue avec la police qui m'ont tapé sur la gueule. J'ai deux côtes de fêlée en plus. J'ai le cancer de la peau. À part ça, je veux dire que tout va bien. Mais réfléchissez un petit peu. On n'est pas des machines. On est des humains. N'oubliez jamais ça. Vivez votre Radio vie. Debout. Si tu ne sais pas pourquoi tu l'écoutes, on sait pourquoi on le fait. Oui, alors bonsoir, on est toujours Radio Debout, Place de la République. Mais alors là, on n'est pas qu'à Radio Debout, Place de la République, parce qu'on est en direct téléphone avec Jeanne Haddad. Jeanne, tu m'entends ? Oui. Oui, vous m'entendez ? Ouais. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Jeanne, tu viens de sortir d'un concert, de ton concert, là ? T'étais où ? On est à Auxerre, au Silex, on vient juste de sortir de scène. Bon, t'es trop forte. T'es trop forte, t'as même pas pris le temps de boire un coup, non, de non, parler avec là, des gens. Il y a 2 minutes. Ouais, il y a 2 minutes. Bon, alors c'est bon là, vous êtes bien là où vous êtes, vous captez bien. Oui, on va faire n'importe quoi, je te préviens, mais. D'accord. Mais c'est avec cœur. Alors vous le faites à plusieurs, c'est ça, avec cœur. Oui, voilà. Bah, c'est cœur debout, quoi. Tu me fais trop plaisir, voilà, Jeanne. Et on est debout. Hein. Ouais, mais c'est la classe. Écoute, okay. Jeanne, c'est quand tu veux, c'est quand vous voulez. On est avec vous, c'est génial. Ok, bah, c'est parti. C'est parti. The sky is turning black and I'm losing my mind. Feel night hands luring me. Night is making me blind. There's not much time before I can see. The sky is turning black, the night has fallen. I don't know yet, but I will be forgiven. Night is here and my madness has just begun. We'll be a long way till day. No one ever stops us. Merci. Ça va, c'était pour vous. Ouais, ça a été, c'est trop la classe. Merci Jeanne Haddad, merci à tous et à toutes autour merci de toi. Merci à là. Vous. Merci, trop sympa. En direct de Nuit Debout, ouais, gros bisous. Super, gros bisous, ciao, ciao. Ciao. 1, 2, 3, bye. Le 74 mars touche à sa fin. Bonne nuit, à demain.